100% rap français. Et c'est parti juste après Difool pour la nocturne. Il est de retour dans la nocturne pour son petit point annuel, j'ai envie de dire. Ouais, comme d'hab. L.I.M. est là, comment va? Pirate, on est là, mon pote. Et dans les bacs, c'est le maxi qui est sorti la semaine dernière. C'est ça, c'est le maxi, en attendant l'album qui va arriver le 5 février, Inch'Allah. Donc en plus, pour ceux qui veulent avoir des instrus, ils vont se régaler parce que t'as mis aussi les instrus. Ouais, j'ai mis 3 instrus dessus, il y a 6 inédits et 3 instrus. En attendant donc un nouveau projet. Exactement, mon pote, on est toujours là. Qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps, L.I.M.? Bah, je me suis éclaté, hein, j'ai profité de ma vie, tu veux qu'il fasse quoi? Tu as été sur Facebook? Sur Facebook, sur Camagram, là, ou... Piqué quand les grammes. Voilà, on la connaît, bourré à tata. Voilà. Bon, tout va bien? Ouais, on est vivant, alhamdoulilah. C'est un plaisir de t'avoir dans l'émission pendant une bonne heure. Toujours plaisir de venir. Hein. Avec l'équipe qui est là. Voilà, on est là avec la team Urs, tous illicites. On est présent. Il y aura plein de petites exclus. On va essayer de remonter un peu le temps. Ah, c'est bien. Donc, c'est bien. Voilà quoi. Et aujourd'hui, en plus, c'était une belle journée pour le rap français. T'as vu toutes les sorties qu'il y a eu aujourd'hui, là, en ce 4 décembre? T'as vu ça? T'as suivi un peu ou... Franchement, je suis pas trop, hein, t'as vu? Comme je dis à chaque fois, c'est bien. Moi, j'écoute que, hein, j'écoute que du rail, tout ça. Donc, Ah oui, donc toujours, là, t'as pas changé? Non, je suis. Tu me cherches, tu me trouves dans un cabaret. Dans un cabaret. Vous trouvez L.I.M. dans les cabarets. Bon, DJ Bagdad est au contrôle. Bagdadi, Bagdadien. On débute avec quoi? On va commencer avec moi, c'est L.I.M. Donc c'est un titre, un extrait du maxi. Donc voilà, il y a le clip qui va arriver très prochainement. Et puis en attendant, il y a déjà le son qu'on peut acheter dans les magasins. On peut aussi commander sur le net, on peut y aller, on peut cliquer. On peut tout faire, tout. Merveilleux. Tout, t'as vu ça? Bagdad. DJ Bagdad. C'est quand tu veux. Moi c'est L.I.M. Heya. Tous les shit. Heya. Comme ta casse des dix. Sans répit, faut tout enculer. Sur leur loi, j'ai trop zé. La Nocturne avec L.I.M. Ouais, on est toujours là, mon pote. Et la fine équipe aussi qu'elle a. Et c'est ça, mon pote. Mais en tout cas, gros voilà, merci. Donc, on est là, présent. Et... Ça, c'est quoi? C'est ton portable qui sonne, non? J'ai entendu son. Ouais, faut que je le baisse, t'as vu? Je vois que tu es toujours aussi équipé. Avec mes milliers de numéros. Avec tes milliers de numéros. Ça va, hein? Non, on est toujours là, au max. Hein. Et donc, on écoutait ça, C'est l'extrait du maxi. Du maxi qui s'appelle Pirate, qu'on retrouve dans les bacs depuis une semaine. Exactement. L.I.M. est de retour en grande forme. En toute patate, mon pote. Et je crois que là, on va repartir, mais loin. Ouais, j'ai ramené un titre qui s'appelle Avant la mort. Mmh. C'est le premier titre que j'ai sorti sur une mixtape. Ça, c'est le tout premier son que t'as posé. Pas le premier son que j'ai posé, mais on va dire le premier son qui a été dans les bacs, quoi. Mixtape de Moda et Dan, c'est un mec qui m'a envoyé ça, d'ailleurs, je le remercie. T'as capté, donc on va se faire plaisir. Après, toi, tu l'avais plus, je suppose, ce morceau. Bah, je l'avais plus, hein. Franchement, je l'ai cherché partout. C'est vrai? Franchement, je l'ai cherché partout. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, 20 ans après, on me le ramène, t'as vu. Ne soyez pas choqués par la qualité, parce qu'évidemment, à l'époque, c'était plutôt des cassettes. Voilà, c'est ça, c'est une mixtape. Hein. Donc, ouais, c'était cassette. Qui était en vente chez Ticaret à l'époque. Ouais. Donc, tu vois, ça date. Hein. T'as capté. Bah, après, on va se mettre les putes sur des beats. Ouais. Hein, comme d'habitude, hein. On va se faire plaisir. Et ensuite, on va mettre un petit son que j'ai fait avec Furax, un membre de la mauvaise langue, grosse dédicace à Furax, et voilà quoi. Et ben on y va, on attaque. DJ Bagdad, L.I.M. au contrôle. Hey ya, grosse dédicace à l'époque de Beat de Boule, mon pote. Hey ya, tous unis, tous solidaires. Hey ya, hey ya, les jaloux, laisse-les par terre. Hey ya, c'est tout, c'est ici. Pirate, reconnais pirate, vive la piraterie. 10 minutes avant la mort, les mauvaises langues sortent dehors. 10 minutes avant la mort, les mauvaises langues sortent. 10 minutes avant la mort, les mauvaises langues sortent. 10 minutes avant la mort, les mauvaises langues sortent. Alors je sors dehors, il est plus tard. 10 minutes avant la mort, tel est mon sort. Alors je sors, non pas pour contempler le décor. Le soir, c'est L.I.M. c'est la terre. Pour qu'il le forme, c'est Yadis à faire des erreurs. Vous êtes dépassés par les événements, par l'événement, car aujourd'hui c'est le jour de mon avènement. Tellement longtemps que j'attendais ce moment. Maintenant je vais mourir, donc bon, je peux pas faire autrement. La nuit tombe sur Boulogne, des confus, des cris, des hommes et femmes qui comme moi attendaient l'Armageddon. Sonne l'heure du pillage, je fais tout ravage, j'ai pas même laissé un coquillage, va signer sur les tomes. Âgé de 15 ans, j'ai tant de choses à voir que je n'ai pas vu, pas simplement d'argent. Et j'en ai marre, ça fait bien trop longtemps que ça dure. Les gens démarrent une putain de vie dont ils connaissent déjà le futur. Moi j'ai toujours rêvé d'un harem, alors je quitte la vie, arrête à me sucer, même pendant le carême. Tellement je suis rusé, je fais sauter une banque. Utiliser un temps pour braquer, traquer. Ensuite dans une planque, j'ai planqué les 10 dernières plaques, les flanquées. Au skinhead, une dernière claque. En questionnant mon entourage, je saurais que je n'ai pas d'enfant au même. Il me reste juste 5 minutes avant la mort. 5 minutes avant la mort. Grosse dédicace à Marical Mort. Aïe, Eluana TC. Aïa, Yacine. Aïa. Avec un grenaille, ça fait mal, surtout quand la balle traverse les entrailles. Si tu me trahis, je te hais, ta style, tu n'es pas de taille, ton fight, n'est pas la bataille. Dans mon pays, les gens tremblent comme à Pompéi. Traite-moi ta maison et je la transforme en une abbaye. La raison, je suis fou d'un comme un ciseau. Excusez-nous, mais nous sommes tous psychos comme ciseaux. La nuit, c'est comme un refrain qui revient, ma sainte, je suis ni sauf ni sain et enfin. Fond du monde, prendre les ondes qui mal. Je vais bientôt mourir comme un animal. Dans le maquis, tout ton argent ainsi que ta femme. J'ai acquis et mon rat de chasse en fin. La mort approche, vite son époque. Il me faut donc des tubes avant que son époque. Doun Miloudzi, Chupé, Ramsara Mahmou, La Dinde, Aya, tous les rartiers. La mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort l'alcool et le cul. Ouais. Hey ya, les putes, juste des putes. Attends, Bagdad, pull up. Remets-moi ça. Aïe, grosse dédicace à tous les rertis. Aïe, tous les mecs dans chaque ticard. Hey ya, la force est avec nous, mon pote. Tous, il est ici. Hey ya. On m'appelle L.I.M. J'suis marié you à la rue. Ce que j'aime, fuck, c'est le shit, la viol et le cul. Ouais, ouais, c'est pour me faire de la rue, de la rue, de la rue. Le pont de sel. Mon vision. Ouais, le nom de mon gang. Ouais, ouais, Boulogne business, hein, c'est ça la vie, frère. Les putes juste des bites, ouais, pourtant c'est péché. Péché. Dans ma supplicite, on ne fait que tricher. Et à l'école, c'est hacké dans les WC. Ouais, ouais. Alcool, shit, viol, excès. Que cette violence qui nous possède. Ouais. Là où j'habite, le frère bande quand t'as fui tes scènes. C'est pour ma délinquance, ma culture des scènes. Ouais, braqueur en Y, ouais. Ok, on est tous dans le même sac. Tous illicites, tous enculeurs de bac. Donc je récite ma vie de tricopane écrite dans ce hall, rabat, tu picoles. Ma chatée, ça sent toujours la banane. La même merde, tu vois ce que je veux dire, frérot. Donc j'en place une pour ceux qui foutent la merde au stupo. Useur de couteau pour saigner ce bord. Ciné qui comme aussi l'espoir pour un flic hardcore. Tirer une grosse taffe sur ce gros joint. Comme ce gosse qui taffe, mais pas dans le droit chemin. Histoire de planer, même si j'ai déjà le cerveau fané. Condamné, je viens pour gagner. Les flics racistes, les curés pédophiles, les jurés, les nécrophiles. Pour ensuite me faufiler sous les mailles du filet de souproc. Que je fuck en tant qu'aïe good luck. Si tu viens de te faire soulever, sous net, c'est vrai, c'est naze la nuit en GAV. Eh ouais, c'est violent comme le GIA. Violent comme un alcoolique au volant, comme Maria. Mais d'une danger. L.I.M. par semaine, je nique plus de sanger. Viscère les blancs et les étrangers. Prends, faut de la maille, car il faut manger. Les putes juste des bites, ouais, pourtant c'est péché. Péché. Dans ma supplicite, on fait tricher. Triche. Et à l'école, c'est hacké dans les WC. Ouais, ouais. Alcool, shit, viol, excès. Que cette violence qui nous possède. Ouais. Là où j'habite, le frère bande quand t'as fui tes scènes. C'est pour ma délinquance, ma culture des scènes. Ouais. Braqueur en grec, zen. Dealer en roller blade, acteur de véritable thriller où les ponts sont tous dead. Red, j'sors ma hit, ma Burlington. Car pour moi c'est capitaine comme Washington. Obligé de pétave, des tonnes de bédos. Pour oublier ce monde de PD qui chlin comme un clodo. Enferme le clan d'eau, au nom de mon clan rôle. J'balance à lyrics illicites comme toutes ces cocos. Importés par ces juristes, histoire de financer leur nouvelle liste électorale. 1. J'nique la politique par la voix buccale. 2. 1 à l'droit original. J'débarque armé avec un taux de THC affolant. Dans mon ghetto brigand, la vie c'est violent. C'est alcool, argent sale, garde à vue. But ce flic animal car il a trop bu. Nique sa mère la réinsertion. Nique sa mère. Nique sa mère. Nique sa mère la réinsertion. Les putes juste des bites, ouais, pourtant c'est péché. Péché. Dans ma supplicite, on te fait tricher. Triche. Et à l'école, c'est hacké dans les WC. Ouais, ouais. Alcool, shit, viol, excès. Que cette violence qui nous possède. Ouais. Là où j'habite, le frère bande quand t'as fait des scènes. C'est pour ma délinquance, ma culture des scènes. Ouais. Braqueur en grec, Z. Hein? C'est L.I.M. Grosse dédicace à tous les refrains. Hey ya, hey ya, hey ya. Grosse dédicace à Furax. Hey ya, Fufu. Toujours à la vue. Mauvaise langue, le nom pour une gang. Mauvaise que, mauvaise que. Ouais, ouais, c'est. Lève ton majeur en l'air. On fout la merde ou pas? C'est pour mes frères dans mon haut. Jusqu'à la gare. Ouais, écoute, écoute. Ça fait, ouais. J'commence par dédicacer ce hit à tous les cerveaux cassés par la donne et le shit, squatteur des old crap. Les taudis maudits par les schmitts, c'est pour mes boy bad. Insulté en vain de parasites, regarde. Vu dans ma rue, ça bombarde comme au Kosovo. Un des cas, ça se pense mon c'est hard. Vu qu'on est tout fait du cerveau, oh, augmente le son de ta stéréo, car faut représenter les frères du ghetto. Alors j'gratte, gratte, pèse les watts. Et si mes rimes font chier le rap, va j'aller chez ton psychiatre. Je suis pas un zoulou, moi. Je suis juste un frère de l'art et toujours sous moi. T'es fou, quoi, les Car dans ma rue, c'est la loi du plus fort qui règne. Et j'ai la haine, et j'ai la haine. Tous illicites, tous enculés de balle. Ok, ok, on est tous dans le même sac. Je suis pas le genre mec mort, qui ne bouge pas sa graisse. Ma musique te dévore et mon style de mort t'agresse. Dehors c'est la guerre et sous la véranda le frère M-E-U-R-T vient de là. J'ai jamais l'habitude, je m'en fous de ce qui se passe. Mon monde est déjà assez rude dans ma cité, les frères cassent. Même si aujourd'hui j'en parle en bien ou en mal, c'est que c'est normal qu'à l'Afrique est ma zone territoriale. Furax est une sale gueule de boulogne. La ville n'est plus de cogne et les fachos crèvent quand je suis en rang. J'achève tous ceux qui pensaient m'achever. J'abrège leur souffrance en France et le privilège V. Du voleur qui va s'évader, vit en vie de voyage. Voyou depuis qu'il vit en Covid et voit à la rave. Ceux qui ont pourri mon pays, l'Algérie. L'Algérie, l'Algérie. Tous illicites, tous enculés de bac. Ok, ok, on est tous dans le même sac. Tous illicites, tous enculés de bac. Ok, ok, on est tous dans le même sac. Balance ma roquette, baisse ma braquette si tu me suces. T'appelles la inatus, garde pour ton anus. Le rictus sur mon visage, lui se fera normal. J'ai trop le cafard quand ma classe est 6ème étage. Pas de diplôme, pas de langue, plein de haine. Comme quand dans le prof, fuck you man. Fuck you man. Jour comme Rondag ou Champagne. Votre carôme, c'est tel homme. L.I.M. Car où je survis, y'a le QG du peine. Alors dégage, sois chaud, parce que dans mes veines coule du sang chaud. 100% bilcar, Mirsa, Furax, injurieux, parano, psychotique, ça et tout ça. À cause du ghetto, à cause du tempo ou à cause de la cité, je crois plutôt que c'est l'état, ta société, qui m'a rendu excité à l'idée d'avoir des idées. Tous illicites, tous enculés de balle. Ok, ok, on est tous dans le même sac. Ok, on est tous dans le même sac. C'est pour les gangs. C'est N.I.M. Que les rageux me sucent la bite. Bande à taille. Reconnais pirate, pirate reconnais pirate. Elia, bim bam boum, c'est la nocturne. Tous illicites, tous enculés de bas. Ok, ok, on est tous dans le même sac. C'est la nocturne avec L.I.M. au contrôle. Mauvaise langue, mauvaise langue aussi. C'est ça, grosse dédicace à Philippe, Philippe Furax. Est-ce qu'il y aura un projet mauvaise langue ou pas, L.I.M.? Oh, je sais pas trop. Hein. Mmh. Là, t'es sur quoi? Plutôt sur toi, là, sur le solo? Là, là j'ai fini le solo. On enchaîne. Il y a Mohal Vagabond qui arrive aussi. Il y a Fianso Jumeau. Il y a Samira. Il y a une compilera, lui aussi, que je suis en train de faire. Il y a la team Urs. Voilà. Voilà. Et ben voilà, donc pas mal de projets aussi encore en 2016. C'est ça. Toujours le studio aussi? Toujours le studio, grosse dédicace à Almami, à LAS, voilà quoi. Et ben on va écouter, qu'est-ce qu'on part sur quoi maintenant après avoir fait un petit retour en arrière? Bagdad, on part sur quoi déjà? Voilà, on va retourner ben, un de mes classiques, hein, ouais. un de mes titres préférés, à 9 ans déjà. Je squattais dans les halls pendant que d'autres jouaient les ninjas, moi je voulais le monopole. Ça, c'est un gros morceau, celui-ci aussi. Voilà, classique. Tu vois, depuis 99, classique. Grosse dédicace à cette époque. Et voilà quoi, tous ces illicites. Bagdad envoyé. Balance, mon pote. Hi. Ouais, on fait pas toujours ce qu'on veut, bande de ratailles. Hey, gars. On fait pas toujours ce qu'on veut, tous ces illicites. Mais on fait ce qu'on veut. C'est ça le truc. Salah, grosse dédicace à Fatih. Ouais, ouais. Hey ya, Fulful. Les frères du chat. Hey ya, Bigo, Mejo, Malheur. Je respecte la famille, je vois la femme et tout. J'aurais dit Andex. Pourtant, jamais. Je ne suis pas toujours féro. Hein. sérieux hein. Surtout, surtout quand tu ramènes des chemins chez moi. Ouais. T'es escorté comme ouais, un barbeau. Ouais. Ouais, ouais, et yo, à nouveau déjà, j'vois t'es dans les halls. Pendant que d'autres jouaient les ninjas, moi j'voulais le monopole. Alors j'ai pris des coups par les plus grands que moi. Qu'à contrôler la cour des grands points qui, c'est impossible, crois-moi. Et là, comme j'étais, j'voulais devenir Paris. Alors comme mon pote s'allait avec ma mère, j'ai plein de lui. Quand toc toc, les civils me stoppent et perquisent. Ça choque, choque la famille de savoir que son fils mène une vie crise. Depuis, j'me méprise ma scolarité. Évite le couteau et ça. Sur le pavé, arrêtez la savonnette. Sur le même banc. Je visère les mêmes blancs, les mêmes petits clans, j'équipe les mêmes représentants. Clans qui deviennent photographes, qui deviennent facteurs de situations les plus graves. Ma mère est tombée sur ma cachette, quelques billes de soir, j'ai une tête de paresse. Elle est devenue folle, elle pensait qu'elle me flinguait. Et en sortant de l'école, j'écoutais des coups de balai. Et ah, une morale de dingue. Heureusement pour moi qu'elle n'est pas trompée sur mon flingue. Je vois que c'est là où coule. C'est drap boule, verse d'autres qui bien cool. Dans un HLM peut-être te favoriser. Mais si j'aurais pris mon chemin alors il était sécurisé. Mais ce n'est pas le cas, car chaque jour je fracas. Et le matin, impossible de lever dans mon tricard. Et tracas, lui me lâche plus comme un morpion. Même quand je dors ou quand on dit que je suis un champion. Alors tant qu'à faire, mec on se laisse aller. Faut de la maille donc on arrache les vieilles dans les sons. Ouais, ouais. Sous le regard de la sœur qui rapporte le message à la mère, donc place à l'heure du dressage. Non, non, alors je repasse chez moi, s'il faut, pendant des semaines, plutôt quelques mois. Donc la haine, elle règne et scène ma vie. Le traîneur dru, dangereuse pour la PJ. Imagine un autre monde, une autre vie, où les autres seront positives à mon avis. Ça n'existe pas, y'a toujours quelque chose qui plaît pas, qui se fera pas, ou qui a pas dans une vie de rat. Soi-disant fait pour être magnifique. Ça tic, si la tienne frère chic chic. Clic clic, y'a mes surcharges avant d'exploser. Car faut quitter l'âge, plutôt vous se ranger. J'pensais connaître l'amour, mais un jour la haine m'a souri. J'pensais connaître l'amour. J'pensais connaître l'amour, mais un jour la haine m'a souri. Même si la rue est son haram berce, comme un compte perce. Le soir où les chemises rue sur mon compte commerce. Laisse, mais allez, croire que j'pèse, pèse. Grâce à ces putes d'archis, dans ma crade niche, foncez les gars. Et font le genre de manga, censuré sinon t'es hors la loi. Enfoiré, enfoiré, enfoiré, enfoiré. J'fais le mal, j'fais le mal. Et ça me fait mal, au cœur quand je le fais alors j'âle. L'humain soit plus gros que ce que Marley. Et rêve que j'baisse une tasse sur une bête d'arlée. Vas-y coupe le charlet, le pied à la caisse et la barre. Et laisse la boue qui me fait penser aux menaces. Que la justice m'a faite lors de mon enfance, faite de violence, d'influence, de victoire et de défaite dans cette putain de planète. Pourtant je suis loin d'être net en tant qu'ex-dealer de savonnette. Et cette fois-ci je pense et je me dis, si je refaisais ma vie, je vais refaire ma vie. Je lâche pas l'école, je crache sur la foule, l'alcool me vole la vie. Et je serais ravi de dire je t'aime à ma mère. Car au fond de moi, j'suis pas si mauvais que ça, mon frère. Et je vais refaire ma vie. J'lâcherai pas l'école, j'crache sur la fume, l'alcool, le vol, l'ami. J'serai ravi de dire je t'aime à ma mère. Car au fond de moi, j'suis pas si mauvais que ça, mon frère. Et aussi, je vais refaire ma vie. J'lâcherai pas l'école, j'crache sur la fume, l'alcool, le vol. Le vent des chats. Ouais, hey ya, hey ya, je le regrette pas, pas, pas. Coco Scratchy, pas, tout c'est les suites, classique, classique, aïe, écoute la zic, la charogne, Real de Dandy, pirate reconnaît pirate, pirate, dans la vie, tu sais, on est ce que l'on est, mais l'essentiel c'est d'assumer ce que l'on fait, aimer, si dans ce texte tu te reconnais, tu sais, qu'on n'a pas de guerre au regret. Dans la vie, tu sais, on est ce que l'on est. Mais l'essentiel, c'est d'assumer ce que l'on fait. Aimer. Si dans ce texte, tu te reconnais, tu sais, qu'on n'a pas de guerre au regret. J'ai fait tapiner Marie-Jeanne et s'en crête pas. Tous mes chiards à tour Paname, je les regrette pas. Si je me suis acheté des armes, je le regrette pas. Mais si j'ai fait couler tes larmes, je le regrette pas. Wesh mec, si je dérote gaz, je le regrette pas. Et si je vote pas, Royal, je le regrette pas. Toutes mes années de l'air car je les regrette pas. Et si je t'ai mis dans le rat, je le regrette ça. Et si j'ai volé pour me nourrir, je le regrette pas. Et si j'ai vécu le pire, je le regrette pas. Plus d'une fois j'ai failli mourir et je le regrette pas. Et si à la famille j'ai dû nuire, je le regrette ça. Et si c'est pas là, je me suis rendu, je le regrette pas. Et si jamais je me suis vendu, je le regrette pas. Tous mes putains de coups d'or, je les regrette pas. chaque fois au frère, si je t'ai soutenu, je le regrette, ça. Dans la vie, tu sais, on est ce que l'on est. Mais l'essentiel, c'est d'assumer ce que l'on fait. Amis, si dans ce texte tu te reconnais, tu sais qu'on n'a pas de guerre au regret. Dans la vie, tu sais, on est ce que l'on est. Mais l'essentiel, c'est d'assumer ce que l'on fait. Amis, si dans ce texte tu te reconnais, tu sais qu'on n'a pas de guerre au regret. J'ai foutu la merde en bas, je le regrette pas. Toutes mes putains de garbage, je les regrette pas. Comme toi, je suis un putain de rapzard, et je le regrette pas. Mais si un jour je t'arrache là, je le regrette ça. Si j'ai été plus bas que terre, je le regrette pas. Si on se projette, tu me taires, je le regrette pas. Si j'ai insulté le commissaire, je le regrette pas. Mais si j'ai menti à ma mère, je le regrette ça. Si j'ai grandi dans une cité, je le regrette pas. Si j'ai braqué par nécessité, je le regrette pas. Si l'État veut pas me respecter, je le regrette pas. Et si je t'ai incité au mal, je le regrette ça. Et si j'ai cramé ton bar, je le regrette pas. Et si je suis passé à la barre, je le regrette pas. Si je suis qu'un lascar foucard, je le regrette pas. Et si tu me prends pour une star, je le regrette ça. Dans la vie, tu sais, on est ce que l'on est. Mais l'essentiel, c'est d'assumer ce que l'on fait. Ami, si dans ce texte tu te reconnais, tu sais qu'on n'a pas de guerre au regret. Dans la vie, tu sais, on est ce que l'on est. Mais l'essentiel, c'est d'assumer ce que l'on fait. Ami, si dans ce texte tu te reconnais, tu sais qu'on n'a pas de guerre au regret. Si je t'ai pris tes pépettes, je le regrette pas. Si j'ai connu la défaite, je le regrette pas. Si j'ai défendu ta sœur et ta frère, je le regrette pas. Mais si tu t'es conduit comme un traître, je le regrette ça. Si sur le terrain je me suis crié, je le regrette pas. Si je vois pas le soleil briller, je le regrette pas. Si l'illicite m'a attiré, je le regrette pas. Et si je vais pas prier, je le regrette ça. Et si je suis marié au ghetto, je le regrette pas. Si j'ai trop connu de plein bro, je les regrette pas. Si j'ai pris ou mis des coups de couteau, je les regrette pas. Si j'ai vu ma mère au comico, je le regrette ça. Si on dit que je suis un voyou, je le regrette pas. Jamais je serai au garde à vous et je le regrette pas. Si je t'ai balafré sur la joue, je le regrette pas. Et si j'ai créé des jaloux, je le regrette ça. Dans la vie, tu sais, on est ce que l'on est. Mais l'essentiel, c'est d'assumer ce que l'on fait. Ami, hey, y'a tout, c'est ici. Qu'on n'a pas de guerre au regret. Dans DJ Bagdad, tu sais, on est ce que l'on est. Mais l'essentiel, c'est d'assumer ce que l'on fait. Vous êtes dit à sa frette. Si dans ce texte, tu reconnais, tu sais qu'on n'a pas de guerre au regret. Violence urbaine. Aïe, double violence urbaine. À l'époque, aïe, ils disent qu'on est des gangsters. Sinus beat tout. Fils de. Écoute bien, man, c'est aussi illicite. On prend le microphone, on veut tous la réussite. C'est aussi illicite, on mène une vie d'Afrique. Chaque jour, on est là, nos cités nous offrent. Ils disent qu'on est des gangsters. Ils disent qu'en bande, on en perd. Et qu'on respecte plus nos pères. Ouais, on va pas se laisser faire. En plus, on est tous trop fiers. Sache que la misère, mon frère, faut la prendre par derrière. Alors ça tire sur terre-terre. Parfois ça quitte sur terre-terre. Et dans la ville, c'est la guerre contre le système judiciaire. Marre des peintures policières. Marre de ces tortures commissaires. Bâtard, j'ai les nerfs. J'lève mon main, j'ai en l'air. J'lève mon main, j'ai en l'air. Ça a fait apaiser le MNR et leur ministère austère. Face à mon proche, on peut air. Passe-moi le paquet de pierre. J'oublie la braque et les airs. J'ai nique sa mère. J'ai trop jeté de pierre. Trop été dans des civières. Trop baisé d'infirmières. Des peu de billets verts. Mère, comprends que je tourne à l'envers. Parfois, on se chiffonne par terre. On s'envoie cibler sous terre. Pendant que tu stiffes de l'éther, mes potes se retrouvent à l'enterre. Face à un juste type Hitler. Face à un prof type Himmler. L'air de rien, ça coûte cher, ce putain de transfert. Dans des camions cellulaires, pour des zones pénitentiaires. Là où l'on vient locataire, pour finir propriétaire. Franck, lève ton majeur en l'air. Lève ton majeur en l'air. Tout le monde le majeur en l'air. Tout le monde le majeur en l'air. Tout le monde le majeur en l'air. Tout le monde le majeur en l'air. Tout le monde le majeur en l'air. Tout le monde le majeur en l'air. Dis-moi, attends ce braco. force propre. Tout est tout illicite. Qui leur vient ici, c'est tout illicite. Hey ya, pirate reconnaît pirate. Sur la A4, tu me croiseras tout patate. Hey ya, on reste nuisible. Hey ya, ça se voit tôt, que tu passes à me grouiller. Puis j'en ai marre de vous casser des ennuis. Faut que je passe le casse de ma vie. Encore sous bras tôt, c'est soit ça passe ou ça casse ma vie. Et très vite faut que je me casse d'ici en mode fake casse. Me appelé. Encore sous bras tôt, que tu passes à me grouiller. Puis j'en ai marre de vous casser des ennuis. Faut que je passe le casse de ma vie. Encore sous bras tôt, c'est soit ça passe ou ça casse ma vie. Et très vite faut que je me casse d'ici en mode fake casse. Me appelé. On veut de la bonne monnaie. Sans déconner, on crée mon nez abonné. Par la force des poignets, remplir son panier. Sans s'éloigner, gagner. Sans fin, sans jamais témoigner ou renier. Son putain de grenier cramé. Devenir armé comme l'armée incarnée. Le crime toute l'année sans se faire canner. Ou donner, faut pas s'étonner. Trop, trop sont condamnés. Devoir s'acharner. La street, acharnée de camé. Dur de camé, marre de mandat d'armé. Honnête, on est né dans la cour de frais. Des moments de la casse est tournée. Rêver de détourner le camion plein des flingues. Et même en pleine journée. Pouvoir se retourner en fournée. Le visage. Son gourmet, une vie c'est court, mais désormais. Mon parcours j'ai fait quand tu dormais. Ça sommeille en fumant le cornet. Ça fumait en dépouillant mon rêve. Il paraît que dans tout corps, qu'est-ce qu'on a démarré. Pour ça j'ai la perceuse, le forêt. Qui aurait cru qu'on pourrait quitter la haine. Dans ce monde taré qui pique comme ta tête. Encore sous bras, con, frevon. Histoire que je fasse un gros yébi. J'en ai marre de vous casser des ennuis. Faut que je fasse le casse de ma vie. Encore sous bras, con. C'est toi ça passe ou ça casse ma vie. Et très vite faut que je me casse d'ici en mode fake casse. Encore sous bras tôt, histoire que je fasse un gros yébi. J'en ai marre de vous casser des ennuis. Faut que je fasse le casse de ma vie. Encore sous bras tôt, c'est soit ça passe ou ça casse ma vie. Et très vite faut que je me casse d'ici en mode fake casse. Me attends, c'est pas con, frérot, j'ai trop l'écrou. Il me faut de l'euro, ouais. C'est chaud, y'a zéro dans la caisse. Oh oh, malgré les business et les go, ouais. Faut remplir le frigo, ouais. Parfois on doit sortir le couteau, ouais. Je me marre pas du gâteau dans mon ghetto. On se recto, puis nous essayons. J'en ai marre de vous casser des ennuis. Faut que je fasse le casse de ma vie. Encore sous bras tôt. C'est soit ça passe ou ça casse ma vie. Et très vite faut que je me casse d'ici en mode fake casse. Me appelé. Encore sous bras tôt. Histoire que je fasse un gros yébi. J'en ai marre de vous casser des ennuis. Faut que je fasse le casse de ma vie. Encore sous bras tôt. C'est soit ça passe ou ça casse ma vie. Et très vite faut que je me casse d'ici en mode fake casse. Me appelé. Faut que je me refasse mon carré d'as. Alors je baisse la rue pour qu'elle harasse. Vu qu'ici ta vie c'est pas Vegas. Y'a trop d'abus. Faut que je me casse. Alors passe. Chez nous y'a trop de mentalité. J'aime t'égale fatalité. Pété comme la pénurie l'été. Marre de se faire jeter, rejeter, éjecter. À quoi tu sais. Moi je veux péter donc j'ai opté pour l'illicite. Alors très vite sans me faire dompter, je viens concocter un truc solide sans le bolide. Pour les missions suicides, vu qu'il faut se remplir le beat. Plus que vite, vite j'ai les droits qu'il faut. Oh, appelle-moi Tweet Tweet. Moi j'aime leur Tweet Tweet. Pas trop là c'est lucide. Je reste pour des armes guide guide. Arrêtez le terrain galérien. Moi c'est la carrière l'Algérien. J'ai rien de plus que les tiens. D'où j'viens on s'y attend. Encore sous bras tôt, frérot. Histoire que je fasse un gros yébi. J'en ai marre de vous casser des ennuis. Faut que je fasse le casse de ma vie. Encore sous bras tôt. C'est soit ça passe ou ça casse ma vie. Et très vite faut que je me casse d'ici en mode fake casse. Me appelé. Encore sous bras tôt. Histoire que je fasse un gros yébi. J'en ai marre de vous casser des ennuis. Faut que je fasse le casse de ma vie. Encore sous bras tôt. C'est la nocturne avec Eliem au contrôle. Ouais, la nocturne. Ouais. On est là, mon pote, comme d'hab. Ça va toujours. Ça va, t'as vu, on écoute un peu du son. Hein, on est bien même. Quand même. On est au max après. Hein. Attends, ça fait plaisir avec des morceaux, des petits retours en arrière, des extraits aussi de L.I.M., le maxi pirate qui est sorti il y a une semaine. C'est ça, on va continuer hein, tout le long. Hein. Il paraît là. Que tu feras même un petit freestyle tout à l'heure. Ouais, on va faire un petit freestyle comme d'habitude. Tu sais bien, quand on prend et on fume, on prend de l'altitude. Mes putains études, je les fais dans les rues sales, les rues quand j'y représente les barges et les animaux. C'est l'ovni de chez Marie-Jeanne, j'ai pas changé. Les gens savent très bien que je suis pas un étranger. Dans la rue, tout le monde me connaît, on me reconnaît, mais de toute façon, je parle mal, je suis là pour les cogner. Raisonnez-moi, non, c'est pas possible. Hey, ah ouais, on est toujours invisible. C'est vrai que t'es parti, chaque fois je te dis freestyle, ça s'enclenche. Bah, tu sais, hein, nous on est toujours comme ça, hein. On n'a pas changé. L.I.M. a pas changé, c'est tant mieux. Il y a en tout cas le maxi qui est dans les bacs depuis une semaine, allez le récupérer. Allez le commander maintenant sur le net, hein. Vous pouvez cliquer directement si vous voulez. Voilà, tout de suite, pirate reconnaît pirate. Après on va enchaîner un peu avec Violence Urbaine 4. Mmh. T'as vu qui était sorti, on était venu te voir. Hein, on va mettre un son du frère Abdelladien, une grosse dédicace à lui, le chant des loups, le clip il est toujours disponible sur internet. Il y aura d'autres violences urbaines de prévues ou pas tout de suite? Je pense, on verra. Mais peut-être je vais passer sur un autre concept, je pense. Mais on est là. Donc on va enchaîner ça. Après il y a Bordel, un autre morceau aussi de Violence Urbaine 4. Et après on va mettre le featuring de ma live, L.I.M. Zahwania. Voilà. Allez, L.I.M. au contrôle avec DJ Bagdad. Hi-hi. Dédicace à Tams, Lulu, 7-8. C'est chante, loulouloulou, bon, j'aime, j'en plein sud pour ma pote de voyou. Comme toi, faut que je fasse des sous, comme toi, faut que je fasse des sous, comme toi, faut que je fasse des sous, comme toi, faut que je fasse des sous. On chante comme loulouloulou, tout comme des fous, on monte tout sur coup. Trop de numéros d'écrou, trop de numéros d'écrou, trop de numéros d'écrou, trop de numéros d'écrou. Tire en l'air feu d'artifice, allume la balistique. Les compresses humainstiques, c'est le 7-8. Boycotté par tous ces archis, mon te sont dans ton arcos. Dis-leur bien qu'on arrive, sans tous les vies sur la quebla. T'invitera vos quebla, détail des quebla et fais partir la rabra. C'est pour la semi et bon bon, trop de numéro JP du tiers. La maçon dessus roule, roule. Yeah. On a l'arrache et course poursuite, vitesse, excès, garde-sakine. Clank en bête, jacté. Sois avec mes sravois, les autres laissent les jacter. J'viens tout casser comme un hooligan. On traîne contre loup, regarde ma fille. Comme un rital, ça ricane. Une main sur la bécane, l'autre sur un joint de bœuf. Y'a les keufs qui décalent, nous on n'a pas peur d'eux. Trois mercos pour un gofas, tu sais, tu connais peu. C'est chante, loulouloulou, bon j'aime, j'en passe une pour ma bande de voyous. Comme toi faut que j'fasse des sous, comme toi faut que j'fasse des sous, comme toi faut que j'fasse des sous, comme toi faut que j'fasse des sous. On chante comme loulouloulou, comme des fous, on monte tout sur coup. Trop de numéros d'écrou, trop de numéros d'écrou, trop de numéros d'écrou, trop de numéros d'écrou. C'est L.I.M. Abdelalien, les plus finis aériennes, les Yvelines, Haute-Seine, Ataillon, Seine. Qui gère les règles, qui va payer la haine. C'est L.I.M. Abdelalien, les plus finis aériennes, les Yvelines, Haute-Seine, Ataillon, Seine. Qui gère les règles, qui va payer la haine. J'débarque comme un printemps, comme un gros garçon, comme un soldat chargé de pédo en mode litron sur litron. C'est la merde de plus l'endroit, moi aussi je mets pas trop. Pain bon, foutons la merde et rentrons. Pour faire des happets de tapettes avant que les gueules me pètent. C'est bête, arrachons la recette et on va se lever. Un mec qui a pas de faire péter, un mec qui a pas de faire péter, un mec qui a pas de faire péter. Abdelalien, le père, Boulahia, la Noé, j'en place une pour ma bande de voyous. Comme toi faut que je fasse des sous, comme toi faut que je fasse des sous, comme toi faut que je fasse des sous, comme toi faut que je fasse des sous. Nique sa mère, la reine des putes, y'a que des bâtards. Bande de fils de pute, fils de pute, fils de pute. J'viens foutre mon bordel, bordel. C'est nique sa mère, la pute, j'viens foutre mon bordel. Y'a trop de fils de pute dans mauvais rôle, je veux plus grave au ministre. On m'a dit c'est triste, mais la vie est ainsi. Si seulement je pouvais voler une œuvre de Léonard de Vinci. Mais je voulais dès le bord, antiport jusqu'à la mort. Rêve d'une chiche porte, sous le chiche porte, c'est fuck les remords, on veut de l'or. Et la chatte à Mireille pour qu'on la charge. Mais c'est qu'une voleuse, frère, faut qu'on la surveille. On m'a dit le crime payerait, comme la veille, je veille. Avec ma tête, mais je me donne l'été. Perquise dès le réveil, je trouve plus le sommeil. Je me démerveille, briller comme le soleil. Les stupes nous surveillent, H24. Pirate reconnaît pirate, alors ferme ta chatte. Je viens foutre mon bordel. Bordel, c'est nique sa mère, la pute. Je viens foutre mon bordel. Y'a trop de fils de pute dans ce cartel. Trop de fils de pute dans ce cartel. De la nuit et de manche, à l'ennemi, juste des bites à l'emploi. Je viens foutre mon bordel. Bordel, c'est nique sa mère, la pute. Les gars prennent pour Charles Martel. Je viens foutre mon bordel. Bordel, c'est nique sa mère, la pute. À la cité, sa vie gravelée, la mer. Comme toi, je suis là pour tout. Chien hiver quand l'été au sein de ma communauté. Pour rien, trop de mes frères ont sauté. Ma tête mis de côté, ma tête me notait. Allez tous me faire niquer. Moi j'ai grandi de l'autre côté. Depuis petit boy côté, j'ai niqué niqué ma scolarité. Tout niqué niqué sans moralité. Tout niqué sans jamais regretter. Bienvenue dans le zoo. Chez les fous, chez les loups. Je chante le chant des voyous. On fait le cas sans coup, tous dans la merde jusqu'au cou. Ça pécou, repécou, encaisse les coups. On restera toujours debout. Faut des sous, des habits, des oiseaux. Une fois sous, je raconte des sornettes quand je pèse d'amoiseau. C'est coup de ciseaux pour faire les bons. Bonnes les nourrissons, les bonbons. Nique sa mère, elle capone. Chez nous, les bolos, s'ils s'abonnent. Ça vend de la bonne, plus bonne qu'une bonne pipe. Bonne comme cette bonne banane que t'as mis à ce brave. Si je viens foutre mon bordel. Bordel, c'est nique sa mère, la pute. Je viens foutre mon bordel. Y'a trop de fils de pute dans ce cartel. Trop de fils de pute dans ce cartel. De la nuit et de manche, à l'ennemi, juste des bites à l'appel. Je viens foutre mon bordel. Bordel, c'est nique sa mère, la pute. Les gars prennent pour Charles Martel. Je viens foutre mon bordel. Bordel, c'est nique sa mère, la pute. À la cité, sa vie gravelée, la mer. Comme toi, je viens foutre la demeure. Tout fait monter en l'air. T'es détaillé ma PR. Et le reste nique sa mère. Seul ou en pente, on opère. Déterre mon moment de guéguerre. Le co-commissaire, on l'enterre. Fuck, fuck le système judiciaire. Comme toi, je viens foutre la demeure. Tout fait monter en l'air. T'es détaillé ma PR. Et le reste nique sa mère. Seul ou en pente, on opère. Déterre mon moment de guéguerre. Le co-commissaire, on l'enterre. Fuck, fuck le système judiciaire. Je viens foutre mon j'en fous mon bordel. Fils de pute dans ce cartel. Heya. Fils de pute dans ce cartel. Heya. De la nuit et de manche, à l'ennemi, juste des bites. Ah, grosse dédicace à Marzac. Mon fils. Heya. C'est nique sa mère, la pute. Les gars prennent pour Charles Martel. J'en fous mon bordel. Bordel. C'est nique sa mère, la pute. À la cité, sa vie gravelée, la mêle. Hey ya, grosse dédicace à l'Algérie. Tahia l'bled, 1, 2, 3. Boukhatwa, hey ya. Zellel, Alouena, hey ya. Alger, Santé Gêne, Babloan, hey ya. Boumerdès. C'est pour mon peuple cramé. On en a marre de ramer. Moustapha Alem. Et pour les fils d'immigrés totalement désintégrés. Moi j'ai grandi dans une cité française. Demande à Faudel si c'est bon quand la France le baise. On manque de baise alors on met des merguez. Au passage paix aux frères qui ont commis qu'on se taise. À l'aise. On veut tous le devenir. T'as beau être balèze, mais qu'est-ce que tu fais face à un petit qui tire. Éduqué ou voilà la tire. On a tous le cerveau niqué, pisté par le gire. Et dire que pour vivre en France comme la plupart de mes frères, je sombrais dans la délinquance. qui te sort de la bête de ce monde. On a de la chance d'être encore vivant, vu qu'en bas ton bâtiment, trop de balles, on trouvait le ciment. Salement, calmement, on vend calmement sur notre banc. شكون يسألني يا مانا شكون يسألني شكون يسألني يا حي انا غير اللي سواني سواني سيبو مو باب كرامي ونا انا مار دو غامي شكون يسألني يا مانا شكون يسألني شكون يسألني يا حي انا غير اللي سواني سواني سيبو لي فيس دي ميغري توتالمون ديزانتيغري تو لي 100 متر انا يفت شوفيا هيا Sans papier, qui dira haya liya. Sans papier, qu'est-ce que tu veux que je passe, mec? Hey, كنت عايش انا بالفانتازيا. Hey, شجبني انا البلاد القاورية. لا لا لا لا لا. هيا. شحال ماتوا حبابي انا والديا. Bar bar hagar biri papi deru habia good bien la la la la la la la la شكون يسألني يا مانا شكون يسألني هيا شكون يسألني يا حي انا غير اللي سواني سواني سي بو مو باب كرامي ونا انا مار دو غامي شكون يسألني يا مانا شكون يسألني Pour les fils d'immigrés totalement désintégrés. Écoute ami, j'suis là pour la famille. Demande à mamie si c'est bien frapper la femme de sa vie. Moi je ne crois pas, mon ami. Lève la main en l'air pour nos femmes, nos sœurs, nos mères dans la zermie. Et nos frères d'armée. Sache que depuis petit on est tous anti-star à vie. On nage dans les ennuis, sous un nuage de skinkies en bas des blêmes. Faire mon parcours, t'sais, je vendrais quand même de la drogue dans ma cour. Là mon discours, celui de Raclo, Guédro Alcolo, made in ghetto. Oh oh, l'État resserre les taux. Mais Alice, maintenant les petits vendent de la coke. Je connais Sani, y'a mon année, je connais Sani. Je connais Sani, y'a Haya Nagir, ni Swani, Swani. C'est pour mon peuple cramé, on en a marre de ramer. Je connais Sani, y'a mon année, je connais Sani. C'est pour les fils d'immigrés totalement désintégrés. Bon, bon, bon, ouais, c'est pour les déclins. Mais délinquants, hey, ma trafiquiste, ah, bien, hey, ya. La Nocturne avec L.I.M. au contrôle de La Nocturne. T'es dans les bacs, c'est le maxi d'L.I.M. en attendant l'album c'est pour ça. 2016. Maintenant j'ai une petite surprise pour tous les mecs t'as le bled, hein. C'est d'Ali. C'est d'Ali, t'as Bebel Wed. Coupe, coupe, coupe le son de le fond. Voilà, vas-y, voilà. Vas-y. T'as le stade, après, vas-y, pour qu'on rigole. Ya garo bob marley, derrach ou serrach le, khalli n'ammar rasi, w nwelli mzdoul. Rayah nroudou bli, jibouli qara whisky. Yismouni oubli, w nwelli mrioul. Wa'alach li jal, yom ray tdrab fil ghibra. Hiya. عقلية على كولومبي تراح لقارو طفي وتشكا كاينة اسني في بخر خليه بومبي لا آسيا بي احنا ما عندناش الخلعة وين جات الريسكي رجل برا رجل في القبة والهضرة ناقصة راكو تعرفوها السرعة ان شاء الله تعطي لي ويلا ولد في فرنسا هيا تو سي لي سيت كوم داب هيا باسكو بي ابلودير كان برافو سيد علي هيا هيا في خاطر الناس باب الواد هيا هيا هيا جو كومبرون بوركوا تو ان امبيونس كاباري اوسي اه سا سي مون كيف سا جو كومبرون سي مون كيف هان سي مون كيف ابخون اون فا انشيني تا فو هان جو با فيني تو سول يا جي بي تا اليس دو نوف هان تا ليبوك ايل لا ايل لا اتون ايل اي شابوتي كوم جامي فيان فيان فيان اسي توا اسي توا فيان اسي توا Il est présent d'ailleurs sur le maxi. C'est ça, on va écouter le morceau qu'on a fait ensemble. Il va dire deux, trois mots. JP, comment va ? Ça va, Fred, excuse-moi, je suis en train de mettre de la fumée partout. JPZR, je vois, c'est voilà. ça Voilà, salut, ça va ou quoi? Et toi? Ouais, toujours là. En pleine forme? Toujours. Eh bien, écoute, bienvenue dans cette nocturne, on a commencé déjà il y a un petit moment. Voilà. Mais tu vas rester avec nous, de toute façon. T'as vu, depuis que je reviens dans le rap, c'est avec Salim toujours. Hein. Bah, chaque toujours. Fois que tu me vois avec lui depuis 3 ans, c'est avec lui. Ah ouais. Donc, tous ici jusqu'à la bite. Voilà, on est là, t'as vu, on va mettre le morceau qu'on a fait ensemble. On va mettre un morceau à toi aussi. Et après, il prépare, il prépare son projet qui va arriver, t'as vu. Donc, c'est pour quoi, 2016 aussi? Inch'Allah, t'as vu, hein, donc on charbonne tous. Là, le morceau, il s'appelle Monsieur, Monsieur le Brigadier. Voilà. Il n'y a que la drogue qui peut me soigner. Et donc, on va écouter deuxième. Ça. Et il y aura du live tout à l'heure aussi. Et le deuxième titre qu'il m'a demandé d'envoyer, c'est un truc de mon album. C'est, voilà, c'est un inédit, une exclu. Une exclu. Voilà, et on écoutera Souvenir entre. Comme ça, on se fera un petit plaisir aussi. Eh bah, terrible. Ok. Souci. Donc on y va, DJ Bagdad. Que la drogue qui peut me soigner. Faut toujours nier. À la cité, y'a trop de saletés qui veulent me plier. L'argent facile, on en est tous fous alliés. Un four s'est ouvert dans ma cage d'escalier. Hey ya, nique ta mère la pute, monsieur le brigadier. À la cité, le shit nous a tous irradié. Tu veux mon CV, consulte mon casier. Pirate, reconnais pirate dans le vrai qu'on a tous un mortier. J'ai plus rien à perdre, tout à gagner. La justice ne m'a jamais épargné. Moi les putes j'aime bien les voir tapiner. On m'a dit elle est mieux pour être seul que mal accompagné. Les flingues on sait très bien les manier. S'il n'y a pas de bouquet, y'a pas de prisonnier. J'compte plus les voix où les keufs m'ont cogné. Y'a tellement d'aigles que m'a d'empêché les douaniers. Des petits détails, des litrons, te rafale pour de la maille. Des petits détails, des litrons, te rafale pour de la maille. Des petits détails, des litrons, te rafale pour de la maille. Des petits détails, des litrons, te rafale pour de la maille. Y'a que la drogue qui peut me soigner. Y'a que la drogue qui peut me soigner. Y'a que la drogue qui peut me soigner. J'guette les Yampli, là c'est là dans le grenier. Y'a que la drogue qui peut me soigner. Y'a que la drogue qui peut me soigner. Y'a que la drogue qui peut me soigner. Pour moins d'un litre, combien se sont fait saigner. Depuis l'époque, moi j'suis cramé. Mon petit frère me prend la tête pour choix armé. Et moi je suis zen, y'a pas de quoi s'alarmer. Je veux juste boire et ken et qu'on me fasse tout tourner. Ça détaille toute la journée. Pété comme un bédard, j'paye ma tournée. Dans ma vie j'ai déjà tout retourné. Bienvenue les frères, la manou de tourner. Pour nique ta mère la pute, monsieur le brigadier. À la cité, le shit nous a tous irradié. Tu veux mon CV, consulte mon casier. Pirate, reconnais pirate dans le rock, on a tous un mortier. Se rafale pour de la maille. Déjà dans les pattes, hein. Bra, bra, bra, bra, bra. Pirate, cocoton. Plus 27 novembre dans les mains. Va chercher le maxi pirate. Pirate, reconnais pirate. Y'a que la drogue qui peut me soigner. Y'a que la drogue qui peut me soigner. Pirate, pirate, pirate. Y'a que la drogue qui peut me soigner. Que des j'pirate les Yankees, là c'est là dans le grenier. Y'a que la drogue qui peut me soigner. Y'a que la drogue qui peut me soigner. Hey ya. Y'a que la drogue qui peut me soigner. D'un litre combien se sont fait saigner. Hey. Y'a que la drogue qui peut me soigner. Tous illicites. Pirate, reconnais, pirate, pirate. Hey ya, DJ Bagdad. Tous illicites, c'est tous illicites. À l'époque, tu me souviens, j'avais rien. En chien du soir au matin, je sais pas combien, mais on était bien. À squatter ce putain de terrain, à squatter ce putain de terrain, à squatter. De coke, des trucs humains, hein, un peu de dingue. On s'éclate, hein, c'est fini, moyen. En plus, ça craint, c'est de tapin. Les gamins, on plonge dans le mauvais chemin. On plonge dans le mauvais chemin. On plonge dans le mauvais chemin. Y'a plus de copains. Trahis pour un peu d'oseille. Une grosse putain. Ouais. Rien n'a changé, à part la brigade des stupéfiants qui rêve de nous. remets-moi ça. Hey, là. Tout sur les sites, souvenir. Grosse dédicace à tous les frères qui nous soutiennent depuis le début, mon pote. Hein, quand on a commencé, on était petits. Maintenant, wello. Aujourd'hui, c'est peut-être relou. Hey, ya, mais on encule tout et on change pas. T'inquiète pas, on est toujours là. R.I.M. rien qui fout l'hala. Grosse dédicace à tous mes frères au Carpla. Et quand on débarque dans la place, obligé, on fout l'hala. En chien du soir au matin, je sais pas combien, mais on est plein. À squatter ce putain de terrain, à squatter ce putain de terrain, à squatter ce putain de terrain. La roue des sites dans la main, trafic de shit, de compte d'être humain. Pour être malin, un peu gueudin, on sait que la fin, je suffis mes moyens. En plus, ça craint, c'est de ta part, les gamins. On plonge dans le mauvais chemin, on plonge dans le mauvais chemin, on plonge dans le mauvais chemin. Y'a plus de copains, trahis pour un peu d'oseille, une grosse putain, puis mes neufs. Rien n'a changé à part la brigade des stupéfiants qui rêvent de nous loger. Moi je suis capitaine de délinquants, trop de frères veulent me piéger. C'est triste mais pourtant je leur donnais à manger. Ouvre ce qu'il a tué. Les années sont passées, je compte plus les fois où je me suis fait tabasser. Toutes les fois où mes frères m'ont ramassé. En réalité j'ai le cerveau cassé. Plus d'une fois j'ai failli y passer. Plus d'une fois j'ai failli y passer. Plus d'une fois j'ai failli y passer. Plus d'une fois j'ai failli y passer. Moi je mène une vie de dingue. Moi je mène une vie de dingue. Moi je mène une vie de dingue. J'ai tellement vu de petites patrins. Dans cette putain de vie de dingue. Dans cette putain de vie de dingue. Dans cette putain de vie de dingue. Et ça fait bang, bang, bang. J'viens de là où ça schlingue. Schlingue, schlingue. Pour rien ça sort les mains. Moi je mène une vie de dingue. Moi je mène une vie de dingue. Moi je mène une vie de dingue. D'où je viens, c'est malsain. Un joint qui te vaccin, ça nique les siens, y'a plus d'anciens. Tous amateurs de gros larcins, amateurs de gros larcins, amateurs de gros larcins. Si tu croises les inspecteurs, n'aie pas peur et prévenir y'a ton prochain. Jamais à jeun, ça sent les engins, charge le vagin, ta carrière revient. Moi je sais que demain c'est loin, quand tu traînes dans les sales coins. Quand tu traînes dans les sales coins, traînes dans les sales coins. En bande de la farine et sur le point des trafiquants. Pas facile de se ranger, le cul posé sur le ciment. On prend jamais de congé, ni que sa mère la pute les sentiments. On vit avec le danger, on croque la vie à pleines dents. Comme un chien enragé. Moi je sais, je suis dingue, puis la maternelle, je suis mal barré. Dans le vice, j'essaye d'être dingue. Autour de moi, je vois trop d'enfoirés. Je veux tout niquer et me barrer. Je veux tout niquer et me barrer. Tout niquer et me barrer. Ouais, des bouches, vous s'en vite. Génération Zion. kila kila kila kila kila faut pas hey, yeah. Génération Zaya kila kila kila kila kila kila kila kila génération Zaya kila kila kila kila kila kila kila kila kila faut pas jouer génération c'est tout c'est les hey. Moi je viens je fume ma weed quand je suis noyé dans mes bails je perds le contrôle de la street je vais pas faire dans les détails. Ça se passe comme ça dans la night. Repose un peu dans la street. On s'en bat les couilles de qui? On s'en bat les couilles de quoi? On s'entretue pour des nœuds. Nous c'est dans la street. Faut pas jouer, faut pas jouer, faut pas jouer. Faut pas jouer, j'ai fait ça. Hey ya! Faut pas jouer, faut pas jouer, faut pas jouer. Je me prends la tête, les ombres, la tête, des dettes. Ma dame qui veut changer de caisse. Gros, faut que tu passes à la caisse. Mec, me raconte pas la thèse. La street m'appelle sur l'altesse. Mec, me raconte pas la thèse. La street m'appelle sur l'altesse. Génération Zion. Kila, kila, kila, kila, kila, kila, kila. Génération Zion. Kila, kila, kila, kila, kila, kila, kila, kila, kila, kila. Kira kira kira kira kira kira kira. J'ai plaisir. Génération Zion. Quoi? Kira kira kira kira kira kira kira kira kira. Bisous. Y'a plus rien de bon. Z de la ZD. Nounou. Nordine Gros, Tams, Biré. Hein? On me demande, c'est toi pourquoi t'as pas encore percé? Parce que trop de fils de pute me craignent et ça joue perso. Rien que ça me boycotte. M9G. Ça sert à rien, ça c'est mon pote. Je dis que ta mère a pu, je prends le risque, la caisse en capote. Un neuf court. C'est œil pour œil, clan pour clan. S'il faut leur mettre dans le cas, vu moi je serai pas sans blanc. Je considère ça comme un braco. Sans cagoule et sans gants. Père de coucher, jamais gros, ça s'annonce en clan. Je prémédite mes crimes, donc maintenant dealer. De s'attendre au pire, car depuis mineur, j'abonne pour bâtir mon empire. Les mains faites pour leur mettre les machins dans le cul des MC. Du coup, ceux qui pas quand on se renvoie. On a un flow qui pèse des mers. Du coup, tu perds ses courcules. Sont tu par les veilles. Ouais, on a des par les foutus. C'est ton la CTR. Viens même pas tester foutu. Ouais, buise. On a un flou qui baisse des mers. Sharkies. Ouais, mais tu restes là. Mais tu restes là. Momo, ouais, ouais. MB. Amine. Ouais, c'est tout si ça boycotte. C'est que dans le fond, ils nous craignent. Les rappeurs qui arrivent tous dépédés comme Lil Wayne. Ouais, certains se sentent crédibles en parlant de nous à nos chiennes. Nos flots les rendent débiles. Nos rimes leur grattent les veines. On les tabasse, ils font des scènes. Des caractères, t'as les victimes. On les baisse un par un. Pas les couilles qu'ils soient mille. Vécu leur met dans le cul. La référence, c'est les 4000. Un plan en bas de chez nous, on fera un strike comme au bowling. Préviens ta team, pas de détails. Et que mes bas sont parasites, tes rappeurs sont des PD. Quand je te le dis, moi j'insiste. Dans la rap, j'arrive, j'écharpe comme une auto qui remonte la 2014, rien n'a changé, y'a que les faux qui traumatisent. On a un flow qui baisse les mers. Du coup, des perds sont concus. LM, bon côté par les faux culs. Les casques, les rap, tester foutu. Pour tous les frères. On a un flow qui baisse les mers. Du coup des pères sont conçus. Gage, sarcelle. Par les veilles, bon côté, comme Ben 9-4. Allez, c'est ton laser derrière. Viens même pas tester foutu. L'animal. Ils nous boycottent, on pas côté. Ils nous cherchent, on s'en mis de côté. Peu écouter, très redouté, on va les ligoter. Tortue, gâté, tout gâté, on va les faire goûter. Maintenant ça pue la merde. Le rap est rip, ils m'ont dégoûté. Ils l'ont gâté, c'est plus ghetto. C'est des pédales, vous guettez. Ça boycotte des bonhommes, Flamme, pour des bananes, vous vous mettez. Ça mate que des mythos, ils font que nous imiter. Chez eux tu blabla, ils sont crédits, ils sont limités. Les vrais sont dominés, c'est dans la rue au placard. Comme plat, cherche un taf avec un zifu. Dans trois quarts, chez d'où je viens, j'y suis encore. Et on vous baisse tous en cœur. On s'appuie les cours, bah oui, y'a encore trop de rancœur. On a un flow qui baisse les mers. Du coup des pères sont concus. La Corleone, 9-3, 9-2, 9-4, 9-5, Toulouse, le Mirail. Jusqu'à Marseille, Lyon. On a un flow qui baisse les mers. Du coup des pères sont concus. Sur sous, tu parles les veilles, bon côté, par les faux culs. C'est ton laser derrière, viens même pas tester foutu. Viens même pas tester foutu. Viens même pas tester foutu. Cam ZR. Big up LIM. Un gros big up à LIM. Hey, yeah. Zone rouge. Aïe aïe aïe, la ZR. Team Cactus. Hey, il est là, t'as vu. On a rien besoin de dire. Hein, ouais, en fait, on voulait présenter, mais. Les gars, allez-y. Petite présentation quand même. T'as vu, hein, ouais, t'as vu, c'est Cam de la ZR, Cactus, avec Haz l'Animal. Et voilà, on va très prochainement, on va sortir un petit truc, Inch'Allah. Et en gros, un gros big up à tous les frères qui tournent. Ils se reconnaîtront, la liste est longue. Et vas-y, hein, les vrais reconnaissent vrai. Voilà, LIM, il est là, ça fait plaisir, il nous a ramené, ça fait plaisir. Et on est là tous ensemble. Bah merci à vous les gars d'être là. Une petite force, t'as vu, ça fait grave plaisir, voilà. Après, on n'est pas venu tout seul, il y a Fianso Jumeau. Hollywood, on est là avec Mohal Vagabond, Brisé Lopov, la team Urs, jamais au complet. Ouais, Mohal. Gros big up à tous nos gars. Zed Sky, t'as vu. Dédicace, Kremlin Bicêtre, mon pote Fic. Donc voilà, on est là, on va enchaîner, on va mettre le morceau sur une nouvelle session. Le morceau cramé, hein. Cramé, avec le frère Fianso Jumeau, il prépare son truc. Il y a des trucs qui vont arriver bientôt. Ouais. Mohal Vagabond. On va enchaîner aussi avec un morceau solo de Fianso, un morceau solo de Mohal Vagabond, des inédits. Et voilà, hein, t'as vu. Hein. Après, je crois qu'il y a une liste de dédicaces qu'il faut qu'on fasse là maintenant, hein, c'est ça, hein. Allons-y pour la session sinon, dédicaces. T'as vu, on pourra pas rentrer chez nous tranquillement. C'est-à-dire, Orly 9-4, Val de Bâtard, les mecs déjà. Hein, tous les mecs des Sols, Kambe Montana, Papach, Jaff, Larso, Bukai, Coco Skilachi, hey, yeah. Tropico, Malais, Citron, Mejo, Biré, The Dog, Shafi, Tams, Beng, Bigo, Toulouse 31, Real de Dendy, Fares, De Lyon, LGB, Vizi, Ghetto Phénomène, Bibi Craveur, Grenoble. Shrek, Momo, ouais, Samir Camille Groot, Vaucouzi, 2001 Colombe City, le foyer, les frères, on est là, on se soutient. Hey, yeah. Gros big up à tous nos tolards, Fresnes, Nanterre, Villepinte, La Santé, Rifleux. Hey, yeah. Ça là, c'est une belle session de dédicaces. OCB Click, on y va, DJ Bagdad, Younes Corbas, hey, Salah, LIM, Mohal Vagabond, ils vont cramer. Cramé, tous les mecs cramés. Moi depuis petit je suis cramé, j'ai les condés. Cramé, j'ai les condés. Cramé, j'ai les condés. Cramé, cramé, j'ai les condés. Cramé, envoie la frappe. Une prod que je la kick. Envoie la balle au 25 mètres et je t'envoie un frétique. Je ne sors pas de discret et silencieux. On a fait hurler des mecs apparemment qui étaient muets. Demande à Moura le bon vagin. On est les pieds partout, on aime pas trop les partous. On veut le bif des partouches. En balou en clope, t'inquiète pas gros, on a ta cartouche. Et tout le monde m'esquive pour ce que j'ai dans la sacoche. Tu veux marcher armé, t'as même pas 1 000 euros de côté. Voyou à la cité en garde à vue, on t'a vu pleurer à terre. En audition chez les salopes, t'as même pour cave ton frère. Des mecs comme toi, on peut rien y faire. Ils rêvent de me plomber. Bah ouais. Multirécidiviste dans tous nos actes et nos faits divers. Y'a plan B, au pire. Le RERC, y'a trop d'enfants de Satan qui rêveraient nous voir crever, nous voir crever. Y'a trop de fils de pute. Fianso Jumeau, 9-4 Orly, MSK. J'ai toujours une pensée pour mes frères qui sont tombés. Moi depuis petit, j'suis cramé, j'ai les tombés. Cramé, j'ai les tombés. Cramé, j'ai les tombés. GB7.8, yas yas. À l'école, j'avais un couteau dans ma trousse. Depuis tout petit, y'a la police à nos trousses. Chez nous, de père en fils, on est tous cramés. Parce qu'on vient de la ZUP et qu'on est bassané. Roublard de la rue, comme un gosse à bomber. Enfant de la brousse, j'avais prévu un plan B. Un peu débrouillard, un Robinson Crusoe. Mes yeux, une fenêtre sur la vie, à bord mon canoë. Mohal le vagabond, qui a perdu le goût de vivre. Balle sa vie dans un bistrot à moitié ivre. Je suis comme ce docteur qui écrit des ordonnances. Je me soigne avec les mots quand la vie est une connasse. Tellement la douleur est profonde, j'ai nagé en apnée. J'ai flirté avec ma bite jusqu'aux îles des cocaïnés. Ils me voient pas arriver parce que je les attends au tournant. Je les vois en petit de mon hublot tous partir en courant. Hey ya, y'a trop de fils de pute. L'assaut HABS Luffy B. Pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pirate, pir plat, plat, plat, plat. Pirate, pirate, pirate. Nique sa mère, la pute, cette vie m'a trop à manger. Nique sa mère, la pute, cette vie m'a trop à manger. Nique sa mère, la pute, cette vie m'a trop à manger. Nique sa mère, la pute, cette vie m'a trop à manger. Quand je sors de la subtime team, je suis filoché. Pour que Daron se bute, combien de fois je me suis fait chasser. En mode rodéo, qu'on a monté au sud. Je mets à me chasser. H24 était en mode aller-retour, pas d'amour. Faut savoir se taire quand le club te sert. Un mec qui tu misère. Fuck le commissaire et tout. Ses émissaires. Ça vendra, j'ai servi sa vie le jour de son anniversaire. Comment je dois faire? Moi j'ai beaucoup d'ennemis. Plus d'une fois l'État français m'a puni. La galère, la prison nous a unis. Le jour comme la nuit. Y'a trop de fils de pute qui rêvent de me plomber. Si j'suis dans la merde à la zut, j'ai toujours un plan B. J'ai toujours une pensée pour mes frères qui sont tombés. Moi depuis petit j'suis cramé chez les condés. Chez les condés. Chez les condés. Chez les condés. En réalité ça là. Salaud. Y'a que des grosses putes, fun fun. Les chauds au quartier, tous le loup dit Voltaire. T'es un malin toi. Brams le pas moi, 9-2. La rayure. Mafia qu'un frit, or les choisis. Ça vient d'Orly là, mafia. Or les mesquins. On m'a dit arrête le rap, j'ai répondu pour quoi faire. Venir dans mon chicha et faire crari, je fais des affaires. Parler avec les mains pour que tout le monde me regarde. Rigoler trop fort pour que vous dites ouais, c'est un ouf. Ah ouais, t'es un ouf toi. Et même quand je suis en boîte, je suis posé dans le carré VIP. J'aime la discrétion. Les gens comme vous, moi je les évite. Une embrouille, ça va vite, alcoolisé. Ça va trop vite. Il a fait la cour à une pute qui vient de sucer une bite. C'est pas mon délire, vos cocktails et vos selfies. Viens dans mon studio, tu pourras peut-être cerner le profil. On va mieux t'accueillir que quand tu pêches dans le coffee. Un peu paro, même nos ambiances viennent sur un fil. Pour arrêter le rap, il aurait fait. Bah oui, je commence. Sortir un projet et après dire que je recommence. Quoi? Mon rap est interdit, un peu comme la bombe atomique. Entre les poucaves, les putes, les commis et les comiques. Me mettre à fond dans le rap. Non, non, non, j'ai pas le temps. Je suis toujours mauvais. J'essaye de rapper dans les dents. Je reviens dans une heure. Je vais voir la nourrice. C'est pas le rap qui me nourrit. Même ce chemin. Non, non, j'ai pas le temps. Je suis toujours mauvais. J'essaye de rapper dans les dents. Je reviens dans une heure. Je vais voir la nourrice. Jamais à l'abri, c'est pas le rap qui me nourrit. Je trouve pas ma place dans leur triangle. Ils sont trop principés de fierté pour aller faire la vaisselle. Hein? Tu veux me toucher en fit, faudra contacter Vixen. Mets la maille. Mets la peuf comme d'habitude. Passons y'est foi. 9-4-310. Qualité et quantité. Été comme hiver normalisé. Cagoulé ganté. À proximité des armes de poids, des voitures volées. On plaque et talons dessus. T'inquiète pas, on a de l'avance. C'est tellement la crise que maintenant plus personne n'avance. Certains poussent peu. La récolte est défaussée. Et pour quelques euros à la cité, tu te fais défoncer. Nous on fume la peuf, on travaillera même défoncé. J'arrive sur la file de gauche. À toute patate, laissez-moi passer. Comme dirait MADJ. Ouais, gros, laisse-les parler. On prend tout ce qui vient. T'inquiète pas, on n'oublie rien. On n'est pas amnésique avec du bif ou même mon chien. Je me mettre à fond dans le rap. Non, non, j'ai pas le temps. Je suis toujours mauvais. J'essaye de rapper dans les dents. Je reviens dans une heure. Je vais voir la nourrice. Ouais, gros. Qui me nourrit. Hein? On est les saouls, ma gueule. J'ai pas le temps. Je suis toujours mauvais. J'essaye. Tout ça, VH. Non, MSK. 9-4, Val de Bâtard. Gagne ce jumeau. Lyon. On s'en va plus. Avant de compter les billets, on a pu charbonner. On s'est même pas préservé. Les galériens de côté. Ouais, je les ai tous boycottés. Y'a plus rien à gratter. Il n'allait pas m'a fumé. Nouvelle génération qui veut péter le million sans rien faire. Posé dans le haut, là, ceux ici rentrent son magnum. Il fume plus qu'il en vend. Il gratte tous les clients. En leur faisant croire qu'il les aura touchés à zéro. Le mec au beurre. Trempez-le dans l'huile. Tu fais des tuiles sur le terrain. Tu fais des trous dans la caisse commune, dans les calculs. Ouais, y'a rien de commun. Ma gueule, la street. Y'a pas les mêmes pas. C'est le remake poteau. Les petits ont grandi. Maintenant on a grandi. On voit la vie d'un autre œil. On n'est pas si vieux que ça. Mais on n'est pas tout jeune. On devrait jeûner toute l'année pour effacer tous nos péchés. Qui part à la chasse, perd sa place, personne pour te repêcher. Je tombe dans la ville, je vois que des têtes basanées. Des petits picras. Ouais, déjà en bassanées. Tête cabochée. Qu'aurait fumé les condés. Me mettre à fond dans le rap. 9-4. Donnez-nous le zoom. Chinois. Lyon. Tous les criminels. Les sons. Je vais voir la Nord City. La Colombie. Le Pérou. La Rasté. Non, j'ai pas le temps. Bibouche, Brice, la ZDF, L.I.M. Troisième relève. Troisième relève. Mohamed Bonvaga, JPZR. Fred, Bagdadien. M9G. Urs. On est là, que vous le voulez ou pas. Samira. 9-4, Val de bâtard, va pécho. Le maxi pirate depuis le 27. Va chiner. Mohal bon gaga. Si, si, viens de son jumeau. Lourd, énervé. Mohal le bon vaga là. On est là, mon frère. Aïe. Un peu de morale. Voilà, un peu. Sinon, le maxi pirate dans les bacs. L.I.M. On est Al. Faut qu'on taille. Faut qu'on taille, taille, taille. Sans faire des tailles. Parfois, je me cherche dans le brouillard. Je marche de travers. Je titube comme un soulard. Semble comme un cortège derrière un corbillard. Ma vie n'est pas une romance, plutôt un polar. J'ignore tout, j'en veux à la terre entière. Je suis accroché à une corde pour le cimetière. Suicidaire, je suis comme un mort vivant. J'espère même pas revoir un printemps. Je ne dors plus, je ne rêve plus le soir. J'ose même pas me regarder en moi, face d'un miroir. Adolescent, je crame la bicette. Comme je suis qu'un les Bergogniers, les Martinets, ouais, les Bans. Toi qui ne vois rien, qui ne sais pas distinguer le mal et le bien. Ouais, je te parle à toi, toi qui ne vois rien, qui ne sais pas distinguer le mal et le bien. Faut que je taille, taille, taille, taille. Mais avant, faut que je fasse la maille. Maille, maille, maille. Alors je fais mes bails. Bye, bye, bye. Je fais mes bails, bye bye bye. Faut que je taille, taille, taille, taille. Avant faut que je fasse la maille, maille, maille, maille. Alors je fais mes bails, bye bye bye. Je fais mon hal vagabond. La team entre Urs. Quatre murs, cloîtré dans ma chambre, devant mon ordinateur. Je fume du chanvre, aussi froid que les montagnes de Sibérie. Mon cerveau bouillonne dans un bain-marie. À croire que je suis dans une secte ou dans une confrérie. Je ne fais que propager le mal, telle une bactérie. Je diabolise tout, je crois tout ce que je vois. Je ne filtre pas l'information. J'ai une langue de bois. Je suis fermé, je vois mon cœur à personne. Mes sentiments brûlés, mon cœur papillonne. Mes pensées assassine, je ne sais pas lire entre les lignes. Je ne vois pas mieux qu'un aveugle. Ma parole est indigne. Ouais, je te parle à toi, toi qui ne vois rien, qui ne sais pas distinguer le mal et le bien. Ouais, je te parle à toi, toi qui ne vois rien, qui ne sais pas distinguer le mal et le bien. Faut que je taille, taille, taille, taille. Mais avant, faut que je fasse la maille. Maille, maille, maille. Alors je fais mes bails. Bye, bye, bye. Je fais mes bails. Bye, bye, bye. Faut que je taille, taille, taille, taille. Mais avant faut que je fasse la maille. Maille, maille, maille. Alors je fais mes bails. Bye, bye, bye. Je fais mes bails. Bye, bye, bye. Indifférent en fait, je suis qu'un ignorant. Tout ce qui sort de ma bouche est incohérent. Autour de moi il y a toutes sortes de couteaux. Je suis qu'un mouton perdu dans le troupeau. J'ai qu'une hémorragie, un cancer pour ce monde. Je me sens toujours visé comme par le regard de la Joconde. Il faut que je voie plus loin que le bout de mon nez. Je suis pas le nombril du monde, juste un écart. Ouais. Je peux changer les choses en me cultivant l'esprit. Apprendre avec les autres, le savoir n'a pas de prix. Les erreurs peuvent m'écarter du bon chemin. Parce qu'au fond, je suis qu'un être humain. Suis-je devenu fou? Mohal Bongaba, hey, le vagabond, il est là, mon pote. À l'ancienne. Faut que je taille, taille, taille, taille. Mais avant, faut que je fasse la maille. Maille, maille, maille. Alors je fais mes bails. Bye, bye, bye. Je fais mes bails. Bye, bye, bye. Aïe, je taille, taille, taille, taille. Mais avant, faut que je fasse la maille. Maille, maille, maille. On laisse corbasse. Bye, bye, bye, bye. Je fais mes bails, bye bye bye. Tyson, je taille, taille, taille, taille. Hey, y'a mon KB, frère. Dédicace au KB. Crame la mettre pour Mohal Vagabond. C'est la nocturne. L.I.M. au contrôle. Mohal Vagabond, qu'elle a aussi avec nous ce soir dans le studio. Ouais, ouais, ouais. Mohal Vagabond. Quelques minutes encore. On est là, on enchaîne. Hein, on va continuer notre petite playlist. Il y a Samira qui est toujours Samira là avec nous. Samira qui est de retour. Comment va Samira? Ça va Fred. Et toi? Ouais, ça va super. Ça chante toujours? Ça chante toujours, ça travaille toujours. Non, on a ramené une petite exclue, un petit délire qu'elle a tapé. Hein. Elle a essayé de rapper un peu et tout. Ah ouais, ouais, j'ai essayé de m'éclater en rappant. Et donc voilà. On va écouter ça. Après, on va se mettre. Ça tartine dans les rues de Paname, hein. Mais il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Et après deux autres petits titres et on verra ce qu'on se passe. Hein. Ok. Ok. Vas-y. Allez, c'est parti. C'est parti. Samira. Kill de I. Il s'appelle qu'il de rire. C'est un toucher pas comme les autres. Si tout le monde l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'on ne le légalisera jamais. Interdit de se faire péter, interdit de se faire péter. Grosse dédicace à Nono. On m'a toujours dit que ça m'ira, tu sais, on récolte ce que l'on sème. Je suis de mauvaise graine, dans ma vie les problèmes se comptent par centaines. Trop de petites sœurs qui traînent, trop de frères après, la guerre pour tout ça nous mène. Interdit de se faire péter, interdit de se faire péter. On construit pour détruire, comment vous dire, sans dire qu'il y a des phénomènes. Voilà la dire, trafic de sbires et bien pire. Interdit de se faire péter. Sociaux, les cassassettes qui cassent tout. Je chante pour mes frères et sœurs en galère. Mais sache que la misère nous pousse à être tous solidaires. Mec, laisse-moi faire mon bif. Mec, tout c'est ici, ça tartine mon frère. Le maxi est toujours dispo, le clip arrive bientôt. Hey ya, l'album le 5 février. Moi depuis tout petit je mène une vie de dealer. Thriller. Et plein de pif, mec. Je suis un mec de la street et des six dealers de confetti, trop délinquants. Grosse dédicace à Mousse. Je suis pur paradis. Je suis marié à la rue comme un SDF. Je me casse des rêves, mais si tu mets dans le chef, des problèmes, y'en a peu, c'est vrai, je me casse, je suis dead. Demain, me chef des hooligans. Solidaire comme les Zigan. Je m'appelle à Marie-Jeanne. Très dopé comme Hulk Hogan. Même quand je perds, je gagne. Au Doliprane. Zéro, c'est pour un gramme. ça tartine dans les rues de Paname, ça tartine dans les rues de Paname, ça tartine dans les rues de Paname, charge le cul de Martine pour des centimes, ça met des bananes, ça tartine dans les rues de Paname, ça tartine dans les rues de Paname, charge le cul de Martine pour des centimes, ça met des bananes. Les hagals sont dans le racket. Y'a pas grand chose qu'on regrette. Quand il faut faire des pépettes. Quand il faut faire des pépettes. Faire des grosses pépettes. 7 sur 7, ça vend de la zipette. Une traillette sur la banquette de la doublette. Ça paquette, une taille de paquette. Les hagals sont dans le racket. Y'a pas grand chose qu'on regrette. Quand il faut faire des pépettes. Quand il faut faire des pépettes. Faire des grosses pépettes. 7 sur 7, ça vend de la zipette. JP Nanterre, Ville, Stick, Yanso Jumeau, Rezal, Cassidy le DJ, Mourad, Corbeau, Nanterre, OCB Click, Lyon, Souris, Le Vieux Pont, Samy Plessis, Bro, Nas 2, Biggie. Laisse-moi faire mon bif, mec. J'ai vendu de la dope à Jackson et ça a fait un tri. À sauce de Marcel. Aïe, à quoi? Je suis un mec de la street, un solide amateur de course poursuite. J'ai coup de cutter dans mon slip de batterie. Mais les doucettes, me suce la bite. Cumité, KB, famille Wari. Que j'en brise les guesses. Mais dans l'affaire, I2SY. Sarrazin, Toulouse. J'ai grandi avec des rêves. Bibouche, 9-5. Et Polo, Gage, la JPZR. Si, un sauce au SOS. 4 queues. Ça tartine tous unis. Ça tartine dans les rues de Paname. Malakoff, Chauvelot, RK, Voltaire, Bibouche, 9-5, Saint-Vif, Habibina, Eya, Felfel, la momie, Lorraine, Vidali, Loni, Mehdi, Jumeau, Joseph, Papla, le Baconnet, Sissi, que suis ça tartine dans les rues de Panam, Kambé. OLB 4 queues. Ils font de la soupe populaire et ça me plaît pas. Blasphème. Haroun, Boubou. Blasphème. La zone 4. Malik. Blason. Hemi. Rimka. Je rappe les majeurs. Donc les majeurs. Genre les bons majeurs. Blasphème 9-5 Sky, la concurrence. Bash, Coco, Team Urs. Tire les corps au-dessus du micro. Trop pendu, la rime est ardue. Je suis détesté par les faux, respecté par les vrais. Place c'est fait, la street m'a validé. Validé, récite les ruelles de GLG et son gang. Le crime en attend. Bon lieu, non. Mousse. Ils sont en rôle, sont permis pour le bif. Pas d'interdit dans ce crime. Mousse de Dijon. La zone 4, la muette, les doucettes. J'essuierai leur bouche avec mes gueules. Je leur ferai la guerre jusqu'à ce qu'ils capitulent. Ils sont là. Baroto Dadji. J'essuierai leur bouche avec mes gueules. MADJ. Les meutes, Koubi. URH. Nanterville, JP. Embrasse leurs bracelets. Ils veulent nous fumer. Je vais les fumer. Comme mon calumé. Bang, bang, bang, bang. Pieds enfouraillés. À deux doigts, les foudroyés. Les broyés. Je suis mal vu comme une arme. Dans la main de ton corps, en bas des escaliers. Dans ma ville, autant de rappeurs que de gueufs. Autant de terrain que je l'aille. Autant de crosses que de buts. Autant de bandits pour une seule ville. Dans ma colo, pour peu de problèmes. Rizzo, Jordan. Orche, Hoche, Hoche, Ivry, 9K. Salut, gentil, gros, on est là, ma gueule. Grosse dédicace à Mante, la, Rajmo, VF Gang. Hey ya, écoute ça, frérot, une petite exclue pour lui faire plaisir, écoute. 7-8. Criminal, criminal, génération One Piece. Ils ont le seum, j't'ai dit. Tout comme à l'époque des débuts des streams, j'ai dit. Ils ont le seum. Ils ont le seum. seum, j't'ai dit. Ils ont le seum, ils ont le seum, j't'ai dit. Ils ont le seum, ils ont le seum, ils ont le seum, j't'ai dit. Monte la la la la la la, jolie. Je viens du Val fourré, je l'ai fomenté. Pas comme les autres, t'as qu'à commenter. Je fume de la marocaine et de la hollandaise. À tous nos absents qui reposent en paix. J'ai vécu tant de moments de peine. Pourquoi dois-je mener autant de guerres? Qu'est-ce qui nourrit le fait qu'on est autant? Y'a qu'à voir ceux qui vont passer sur nos antennes. Autant de pertes dans tous les ghettos français. Je ne compte plus les coups de couteau en traite. On nous laisse crever dans nos emmerdes. Celle-là, c'est pour tous mes roues en haine. Considéré comme des capots en laisse. Bavure policière, le ghetto s'en mêle. Le ghetto s'entête. À se prendre des coups, le ghetto encaisse. Car le ghetto s'entraîne. Tous les jours, le manque de thunes se fait ressentir dans ce bête. Tu verras pas les impôts en baisse. Que des condos. Et des gros plans cesses. Sous vos grands airs. Cessez de jouer les montgolfières. Cette huit. Le capitaine ne traite qu'avec les vrais corsaires. Le pan vaisseau, mon vaisseau. L'étendard, Narvalo, la Boissière, Montreuil, Valforêt. La Nocturne avec un petit extrait à l'instant. Voilà, on fait plaisir à quelques refrains qui nous soutiennent toujours. Donc on est toujours présent. Là c'est la fin. Et ben merci à l'IM en tout cas. C'est à toute l'équipe qui est passée. Moi, voilà. Samira qui était là. Mais attends, juste avant que je parte. Juste avant. Hein. Juste avant. Vas-y, on va. Dernier son. Aïe. Ouais, c'est ça. Dernier son, mon pote. On y va. Aïe. Grosse dédicace à tous les frères. Hein, tous ceux qui traînent. C'est pour mes frères de la rue. Mille et une nuits. Mille et un bandit. Pirate. Reconnais pirate. Les petits pigrabes en bas du bas de patte. Mon petit gars me dit que je suis un rabat. Normal, je m'éclate à tout. Patate. Moi j'y grandis. Sous-toi. Ici ou là-bas. Ici ou là-bas. Mais moi je ne suis qu'une caïra. Dis-moi qui me trahira. Qui me trahira. Dans ma vie de caïra. Grosse dédicace à Galak. Les mille et une nuits cabaret. Hey ya. Bibna. C'est ça ma vie, les embrouilles et les coups bas. C'est ça ma vie, les vols en armée. C'est ça ma vie, je suis cramé. C'est ça ma vie, c'est ça ma vie, c'est ça ma vie. Salah, Salah, gentil le chat. Felfel, Fati, Momo, Wari, Zahid, Racheton. Jean-Lys, Toussaint. Hé, Elia. La nocturne Nadir. Avec L.I.M. au contrôle. On merci, est là, mon pote. L.I.M. Merci à toi. Juste, j'ai raté mon coup là. Vas-y, Bagdad, avant que je me barre. Vas-y. Grosse dédicace à tous les Rerti. On est obligé de partir comme ça. Aïe, écoute bien, c'est pour moi, c'est pour les Rerti. Ceux qui traînent en bas de chez moi, ceux qui de petits esquivent ce putain de car plat. On connaît le bédo depuis l'époque des savonnettes. Dis-leur bien, fils de putain de leur mère, je suis malhonnête. Tout comme le président dans ce bled. L.I.M. arrive en force rouillée arrière en YZ. Je suis un petit dealer en roller bled. Représente les pages et les teintes, tous les mecs dans ce bled. Piraté dans les bacs, va le chercher. Toute façon, regarde ma gueule, frère, je suis perché. Qu'ils aillent tous se faire niquer, ils ont qu'à me lécher. Mon zbou. Aïe, c'est tout, c'est le site. Paix à tous les frères. Grosse dédicace à tout le monde. Merci à toi, Fred. Grosse dédicace. Merci. Paix à toi, paix à plus. Hey ya. Merci à Bagdad qui était au contrôle. La Samira qui est passée. Moi, le vagabond. Hey, Tim Pur. Pirate, je connais Pirate. Grosse dédicace à tout le monde. 9-5, 7-8. Merci à vous tous. Merci à vous tous. 9-2. On rappelle que c'est dans les bacs. On est là. L.I.M., le Maxi Pirate. Et la nocturne continue maintenant. Ciao. Planète Rao. 100% rap français. Et c'est reparti pour une heure de son avec les grosses sorties de ce 4 décembre. Premier Jul. C'est lui qu'on va écouter maintenant. En Y, Jul, c'est extrait de son album My World. Y'a que des fils d'impute qui tournent dans le secteur. Patrouille ninja en TDM, la clique à l'inspecteur. Y'a ce qu'il faut dans la porte, y'a de quoi leur faire peur. Ta sœur, tu te mêles dans des affaires, tu te prends pour un braqueur. Un jour tu traînes avec des voleurs, un jour tu traînes avec des casseurs. Un jour un mec te propose des sous pour t'armer sur un fighter. Y'en a qui savent se taire, y'en a qui fument du shit et d'autres de l'air. Pousse-toi de là si j'accélère, j'suis trop pressé, j'te monte en l'air. Est-ce toi pour tous les meilleurs, un petit j'décapote, il me faut de l'air. J'passe un zone dans le quartier, ces fils de pute ils me mettent l'œil. Petit pas de danse, ouais le rap j'suis de. Dedans des gains va t'assumer. Poto on t'a cramé. Tu t'en mets dans le nez. Tu vois ton frérot à pâte. Tu veux pas l'amener. J'fumais la patate du riff pendant que tu grattais des sticks. On m'a dit qu'à couler. Tu sympathises avec les chemises. Routine c'est devenu banal. Propé tout devant les banales. J'rentre chez moi j'suis en fumette. J'bois de basis fraise banane. J'suis en bandit sur le jarret. J'croise des fans qui prennent des photos. Prends pas trop la confiance. J'suis t'es pas mon poteau. Sur Ali elle est en pète bonne. Mais à la base c'est une chamelle. Et voilà elle t'a mis dedans. Maintenant elle veut son sac Chanel. J'me mets bleu sous osé. Ma tête tourne elle va exploser. Ça fait 13 ans que je rappe. J'ai encore faim de poser. J'serai tout tête j'fais les 100 pas. Alors tu as deux doigts d'être millionnaire. Petit pas de danse. Ouais le rap j'suis dedans. J't'ai dit casse dedans. Mère qui braque en dedans. Petit pas de danse. Ouais le rap j'suis dedans. J'ai le moteur du banal. Trop d'embrouilles que ça passe du coq à l'âne. Dehors c'est quoi dedans. Donc mon petit va dire range ta lame. T'es max en Y. Oh le con Y. Petit pas de danse, ouais le rap j'suis dedans. J't'ai dit casse dedans, la mère qui braque en dedans. Petit pas de danse, ouais le rap j'suis dedans. J't'ai dit casse dedans, la mère qui braque en dedans. En Y, en Y, en Y, en Y. X en Y, des max en Y.

les douce comme ces quelques notes. Mais cette caisse claire me rappelle à quel point elle peut être brutale. Pense à tout ce bonheur qu'elle te donne et qu'être prend avec un bruit de balle. Sois prudent, les gens je n'ont plus d'âme. Je ne viens pas la rue, moi tu sais j'y dors pas. Mais quand une chienne aboie, je sais qu'elle ne mord pas. Je n'ai que des cauchemars et la nuit je dors mal. Car mon pote est mort là, comme si c'était normal. Mon pote est mort là, sans même lui dire au revoir. Y'a des milliers d'autres âmes tuées pour de l'or noir. Et des milliers d'enfants tenaillés par le manque. Comment veux-tu que les parents parlent manque? Tellement de haine, tu comprends pas, poteau, regarde le monde. J'aurais peut-être moins d'attentats sans tous ces bombardements. Les gouvernements veulent la guerre mais pas le peuple. Alors je me demande pourquoi les balles pleuvent. Je me sens libre quand je décris quelques bribes de ma vie. Rapidement dispersé par le bruit de ma ville. J'ai appris que tout ce qui brille vaut pas le prix d'un ami. Force à toi si la zombie te l'a pris. Je me sens libre quand je décris quelques bribes de ma vie. Rapidement dispersé par le bruit de ma ville. J'ai appris que tout ce qui brille vaut pas le prix d'un ami. Force à toi si la zombie te l'a pris. Rap français, planète rap. La nocturne. Quand je rentre dans la reine, je suis comme un dieu qui s'amène. Même le fini me mène. Je suis impérieux et suprême. La démesure bien huilée, la masse criminelle. Je suis porté, transporté. Tu ne cesses d'exister. Tu ne peux que capituler. Tu sens mon aura rayonner. Je suis comme une vieille bâtisse, capable de tenir des siècles. Je rentre dans l'arène, non plus rien ne me freine. C'est inscrit dans mes gènes, c'est comme mon ADN. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis enivrés. Je suis marqué au fer, c'est comme si je t'échappais terre. Rassemble tes troupes pendant que je rassemble les foules. C'est comme si le monde était en feu, comme on offre trois les boules. J'assure les arrières, pas de décrépitude. Mon rayonnement constant fortifie l'attitude. La reine se chute, les MC se chutent. Mon rayonnement constant fortifie l'attitude. La reine se chute, les MC se chutent. Maintenant, j'ai les deux pieds dans l'arène maintenant. J'ai une petite envie polaire, pareil pour la guerre et pire maintenant. Laisse du sang, des larmes et des ruines derrière nous. Grandiose depuis le début, transformé par la foule. Là-bas, ouais, je suis dans l'arène. Comme un dieu qui s'amène. Le ciel guide mes gestes, les enfers nous mènent. La force est calme et sereine. Mon sang règne, domine. Je suis un seigneur, je marche plus, je l'évite. Oh, par les bleus, les gris, les guerriers. Clèves en main dans l'arène, nous sommes des seigneurs. Joey Star, Nati, la reine, son projet qui est dans les bacs. Dans la reine, nous sommes les seigneurs. 100% rap français, planète rap. La nocturne. El Kamer dans la nocturne. 100% rap français. Chiant dans la veine. Boulogne Square, Bounsef Armand. Les projets s'annoncent. Hubert, aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi frérot. Veve, Tony My Neg, ASK Click. Je veux mon tête à tête avec un ours bitch. Pirate anarchiste comme Poutine. Pirate anarchiste comme Poutine. Ça fait longtemps que la hangra est abolie. J'affronte tous mes démons usés. Kalachnikov dans tes mains, négro, vas-y. Garde tes discours pour un concours de beauté. J'ai la mentale et les armes de Tony. 8 Tony, mon négro, 8 Tony, mon négro. 2016, on va niquer des mères. Ils font les voyous, mais voilà, vont rien faire. Je pars à la poêle au salon de leur mère. Au sud, la normale comme un drone dans les airs. D'ici peu, j'arrêterai des carrières. Vos rappeurs préférés. Plutôt prévu, ce rang sexagénaire. Force et honneur, ombre et lumière. On arrive où personne nous attend. Personne nous attend. Si seulement vous saviez tout le mal que j'ai traîné depuis ma sombre enfance. Négro parachute mort, négro parachute mort. Surtout n'écoutez pas les ondis. Surtout n'écoutez pas les ondis. Car seront les mêmes qui me suceront la bite. So, j'ai vendu des grammes en effet. Mais hier appartient au passé. Demain je ferai des levées. Ombre et lumière en orbite, ça va chier. Négro OG dans le OG. J'ai OG dans le OG. J'ai OG dans le OG. Négro, j'ai OG dans le OG. J'ai vendu des grammes en effet. Mais hier appartient au passé. Demain je ferai des levées. Ombre et lumière en orbite, ça va chier. Négro OG dans le OG. J'ai OG dans le OG. J'ai OG dans le OG. Négro, j'ai OG dans le OG. Fuck tes principes, négro fuck. J'vise le million, j'vise ma Porsche. J'suis jamais sans mon Glock. Revends ta drogue, fuck les pas. Revends ta drogue, fuck les pas. Si jamais tu bêtes ton fuck, tu coffres. Oh my god. J'ai du charbonné pour m'habiller. Chaque matin, un braquier qui m'appelait. Ma devise, j'ai le million, t'as le million. Fuck ton coffre. Tu parles de moi comme si tu me connais. J'suis venu, j'ai vu, j'vais les niquer. Capitaliste comme Rodi, j'vais les fumer à la. J'ai vendu des grammes en effet. Mais hier appartient au passé. Demain je ferai des levées. Ombre et lumière en orbite, ça va chier. Négro OG dans le OG. J'ai OG dans le OG. J'ai OG dans le OG. Négro, j'ai OG dans le OG. J'ai vendu des grammes en effet. Mais hier appartient au passé. Demain je ferai des levées. Ombre et lumière en orbite, ça va chier. Négro OG dans le OG. Je rends du rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Loupez pas dimanche, on fait un Planète Rap spécial Lacrim interview qu'on a enregistré avant sa détention. D'ailleurs on lui passe une grosse dédicace. Beaucoup de force à Lacrim qu'on va retrouver maintenant. Repro 2, ça sort le 11 décembre. Et là c'est Poutine. J'suis posé, j'fume la bœuf devant un calaf. Parce que j'ai fait mes six chiffres dans le mois. Elle n'a même pas eu ma queue, cette salope. Elle dit même qu'elle a un gosse de moi. J'ai du poids sur le dos. Et je sais que les démons m'observent. La main de leur couloir, on fait le sale boulot. Comme ton père, j'ai autant de cernes. Les quartiers RS, les bêtes de prison. Pas de période creuse, ma femme elle aura son faisant. Niquer ta grand-mère, telle est ton ambition. Par des sous, je tuerai de mes mains le bison. C'est la Pelec. Sous la pluie de balles, Harbat Selec. Ma paire de chaussures, 940 tal. Pour nous, il faut bien plus que la corps parentale. Frère, même la taille, ça se fait la routine. Allons faire goûter du Chivas à Poutine. Bro, je me vois sur la plage. Mes frères qui me vengent, ton frère en otage. C'est qu'une balle, dis la vérité. Ce qui taille, tu le mérites. Nique ta mère, je suis VIP. Première classe sur un mérite. Je les touche, prends des billets violets. Comme parisien, marseillais, lyonnais, amélioré 4.0. On compte que les sacres nous servent de mieux. J'm'en bats les couilles de savoir si t'es bon. SCH et la rafleuse rime que c'est le fusil à pompe. Quelques lacunes incomplètes. J'vais laisser leur étage, continue de m'accoupler. Loin des bouddhas, toujours un guichta. J'reste loin des mythos qui partent de tonnes dans les chichas. Chava, Eli. On les baisse sur le taille, y'a pas de cali, cali. La mer, j'en ai marre, j'suis à l'aise. Corée, Bélec, c'est Neymar, Suarez. On a conçu les prods à Bucarest. Froid, on sent pas les goûts de vos caresses. Fini la paresse, lâchez la laisse. Ils diront qu'ils nous ont jeté de la falaise. On est trop à l'aise, tu sais qu'on les baisse. Numéro 1 vont tous faire un malaise. La crème. L'histoire s'écrit. Et c'est moi Castillo. Je baisse. Pas de prof de philo. Pas beaucoup plus, je vais les gronder. Tous mes types courent après les condés. Comptez du bip, mon frère, je suis rodé. Tu passes moi, t'es qu'un érodé. Y'a des hommes qui tuent pour nous. Je suis au resto, tu fais le grand écart. Y'a des fils de pute qui voudraient voir mourir. J'amène mon fils à Monte Carlo. C'est que les armes familles le silence. Trop pour le trône, ramène le divan. Il pif à la tête, c'est hallucinant. Pite gosse, on mange le ciment. Rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. A7. Poto. 19.

C'est le musée de Komoko. Eh wow. L'Algérien la crème. Ah, 9-4 la crème de la crème. Eh, t'es con quand tu te réveilles, 9-4. J'ai dépassé la ligne d'arrivée. Là où on rentre, Chico, ton cerveau n'arrive même pas à le rêver. Arrête tes blagues, gros, pourquoi tu gesticules? Des mecs comme toi, je les ai dans mes testicules. Si tu nous baises, toi t'es raide. Dans le 9-4, c'est naturel, frérot. Je prends ta caisse et je la rentre dans le mur. Seule fois que tu passes, je te la paye en pur. La rue, la veille, des pertes d'appétit. Et ça pue les pans que l'on braque avec la pétine. C'est pour les bonhommes avec qui j'ai grandi. Qui vous diront qu'on n'est pas des monteurs. La haisse, les couilles, les liasses, les douilles. Le star, la foule, braqueur et vendeur. Ouais mec, bellec, en qui tu fais confiance. Frérot, avance sans faire de bruit. Regarde mon chien, je lui donne à manger. Même avec la miselière, je suis pas sûr de lui. Pas sûr de lui. La moitié du game est passée dans le lit. Ne vois-tu pas frère qu'ils s'entre-sus. J'ai des potes qui meurent, vous me parlez d'ennui. J'porte du bébé gros, pourquoi m'embêter. Je te laisse partir de la tête, t'allume ta mère à bébé. Tu sais mon bébé, on tourne en GP. Et s'il y a des affaires, tu sais que je paie. Pourquoi me contredire, des sacs à remplir. Ta guerre c'est celle d'une niche contre l'autre empire. Sale fils de putain, j'ai qu'un putain. Toi tu butes la chatte, moi tu portes le boutin. Pas de cours de récré dans l'école de la street. Ils n'ont foutu la merde que dans leur slip. C'est ROH de guerre featuring la crème. Si tu veux traire nos couilles, c'est la crème de la crème. C'est quoi? C'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème. Des sous-produits, tu veux avaler. Toute la nuit, l'été, ils vont défiler. Sommet dans la street, toutes les crapules à l'écoute, même les schmutes. Album aussi, j'écharque un entrepôt de shit. Théorie de padré, pratique de caïd. Supporte la vue du sang et gorgère de la hit. Finissent invalide, pour café je valide. Fuis du sale proprement, jamais à la va vite. J'prends 3-4 baveux, si je craque je t'allume. On sera molli, pas sale, bouge pas, on s'assume. J'fais Rookie à l'itchine, intègre les humains. Sous la charia, baisse mes pieds, j'aurai plus de main. Tu te moquais de moi, j'dors mes taux hors sans thune. Trop aimé, m'achète des dislikes sur YouTube. Entre tuer les gros culs dans la nature me perturbe. Les petits font du sage, fais le ménage et des tubes. AK-47 dans une bouche, j'l'ai déjà fait. Mort pas la main qui t'a nourri et pas fait. J'en fais fait, eux en charrette. Avant de faire péter mes couplets, gros et charrette. J'ai vendu barrette, maintenant signe des gros chèques. Prends argent au black comme beurre, scène des gros schnecka. Yeah my nigga, my fé nigga. Ces traites me regrettent, j'ai du caviar dans mon grec. Tigri tigri checka, j'pardonne mes trassos. Leur donner une deuxième chance et donner une deuxième bastos. Les matons dans la poche, nigri cross. Grâce à ton numéro de sécu, on te lève comme un cross. Mes premiers coup de crosse, tu portes tes couches plein de pisse. BFM m'attend, vole pas les justices. Je vais tout retourner comme en 46. Tes soeurs détournées comme les 30 CO 36. Personne m'empêchera de manger. Attention danger, le feu m'a forgé. Pas de cours de récré dans l'école de la street. Ils n'ont foutu la merde que dans leur slip. C'est ROH de guerre featuring la crème. Si tu veux traire nos couilles, c'est la crème de la crème. C'est quoi? C'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème. À la guitare, Hus, la crime, 94, Planète Rap, 100%, Explicit Lyrics, Double Brava, Double Brava, Double Bra, Double Brava, shut your mouth and let go, even if the whole world's not a no, all we gotta do right now, all we gotta do right now, Money Dealer, you're like a chemical. Cut Miami cocaine. What we gotta do right now? What we gotta do right now? Scoping. La coke, la hache, la résine, tout est coupé. Découper le matiti sans être écroué. Rien à prouver, Rayon s'est fait seul avec des baskets trouées. Bah ouais que ces chats de la casse ont le seum, aimerait nous voir échouer. J'accélère sur Miami. Boli plein de folie, cette pétasse kiffe quand c'est doré. T'aimes lèche quand j'agite mon broly, tout est customisé. Mani fait péter de champagne, rien pas besoin de cotiser. La campagne aux Champs-Élysées, on se pavane sans être épuisé. J'aime les gaufres à banaliser, si les keufs veulent m'analyser. Les terres à la ville des ailes, j'ai des grosses gaz comme du diesel. Ouais, les billets qui vont valider comme quand je lui tire pour Sprint Diesel. Et j'ai la haine, j'attends ma paye, paye. Chasse les larmes d'un maman à la fin de ma peine, peine. On me dit que je suis fêlé, j'aimerais nous voir tous scellés. Que Dieu nous garde, personne va céder, même nous sommes pris dans la mêlée. Shut up and let go. Even if the whole world's not a no, what we gotta do right now, what we gotta do right now. You're like a chemical in my brain, uncut Miami cocaine. Yes, sir. What we gotta do right now, what we gotta do right now. Let's go head first. Double brava, double bra, double brava. 370, on a qu'une seule option, c'est de partir loin d'ici. La rue de full option, mon coach dit couche, arrête ta paraffine. Il paraît que le sommet est léger. J'enfile ma paire de casales, ça paie frais s'ils se mettent à neiger. Négro. La meuf est nebo. J'décapote sur Miami. J'bombarde sur la route du succès, ma gante et les proches à l'abri. Cocaïna, cocaïna. Elle kiffe les sièges en France, abé l'attitude de Kaira. A place like shooting stars, dreaming away we think as far. Just in the day. Je comprends bien. Faith has made us who we are. It's an idea. There's no fear in my heart. Look at the earth and I'm thinking the sky. What's the deal? Living like it's the last day. Say I'm living like it's the last day. Money dealer. Shut your mouth and let go. Double bra, double brava. Rien a changé dans le building. Yeah, ah. Yeah. Money dealer. Brrr. Négro. Shut your mouth and let go. Even if the whole world's not a no. All we gotta do right now. Négro. All we gotta do right now. Planète rap, 100% rap français. Maintenant t'es sûr que la coke est pure. Les balles sortent et devinent ton futur. AK-47 on est mûr. Recherché comme Denis Tirondel. Sur le lit je suis devant ta rondelle. Referme tes cuisses et ça couvre toi. J'ai juste à dire sésame ouvre toi. T'as l'air étonné comme un lémurien. Ça finit comme dans un drame sylvie. Rien. J'ai vu, j'prends mon arme d'un coup d'œil. J'te tue, j'me tatoue une larme sous l'œil. T'as ça boum. J'débarque et rien que ça zoom. Turban calage et doudoune. Parano comme un pastoum. Y'a que des salopes, j'ai une vue d'ensemble. Mouille dans leur string toute la nuit en tremble. Tu veux clasher ce que j'ai cru entendre. On n'a pas élevé les trucs ensemble. Continue, continue de chasser. Ouvrir ton trou de palais basé. T'es chelou comme de la cam basée. Comme une salope qui veut se caser. J'ai le rallye, c'est le phrasé. J'fais du rallye, j'vais t'écraser. Mohamed Ali et Joe Frasé. Double rotor, on m'a blasé. Pendu et jeté comme des épaves. Négro en starco devant ED. Au départ on était leurs esclaves, maintenant on assure leur sécurité. Que ceux qui ne suivent pas restent dans leur coin. Sans le bout saturé à l'heure de pointe. Évite de trop tirer sur mon joint. Tu peux te faire mêler comme interpoint. Gucci, Prada, Louis Vuitton. Me parle pas d'amour, c'est du bidon. J'préfère me faire piquer par un scorpion que par six de putain de cupidon. La pute me détend, j'pense à l'avenir. T'es en train de les prendre, tu sens que ça va venir. Vision nocturne, phare directionnel. J'suis dans la cuisine au four traditionnel. J'suis dans le poli, j'fais des boulets. Vent, grêle, puis j'y poulet. Toujours hardcore, même après des saoulés. J'crasse dans le gâteau, fraîchement démoulé. News, cool, il n'y a plus de battle. Ou plus ton cul, ferme juste ta gueule. Mes négros ne plaisantent plus. L'Alabama ne sonne plus. De cet édoer au gang. La chaleur du Big Bang. Cocaïne et crack dans le traîneau. J'suis dans le V12, frérot.

J'passe par le genou dans la montée. J'attends sur mes pots recomptés. Nico, y'a des vies à combler, à fonder. J'ris pas, j'aime pas le mort du comté. Mort du comté, mort du comté, mort du comté, mort du comté. Je suis tout ce monnaie. J'ai mis le nez dehors, j'ai trouvé que des problèmes. Triste et l'époque, la haine tient ses promesses. Je vois presque plus le soleil, ouais, poteau, je trouve plus le sommeil. Et comme ton daron, t'as perdu patience. Ils ont trahi ta confiance, tu peux en vouloir qu'à toi-même. T'es naïf, t'es naïf. Enfant du ghetto pourvu que Dieu nous fasse. SLM ça coûte que dalle, pas besoin de pour trouver l'accès. Ensemble, on a crevé la dalle, on est incapable de crever l'abcès. Tu crois que je pense à toi, sale fils de pute, t'es loin de mes idées si tu savais. Toutes les épreuves que j'ai bravées, cellule 33, j'ai dû les graver. Fais de la place, ou baisse ta race. Que des palaves chelous sur ma tête d'arabe, tu taffes toute la semaine. Je prends mon cachet, je le pèse le soir même, je suis un cash marrage. Je fais du rap de rue, je suis pas du gangsta rap. Je vais noyer la France entière si je déverse ma rage dès le démarrage. Que des suceurs, que des sales putes dans les parages. Moi j'ai pas changé depuis l'époque où je traînais barre. Ta cave va se faire allumer pour tout bon débarras. Fais pas trop le fou ici, Hassou, tout le monde est malade. Tout le monde a les mains sales, tout le monde a des calages. Là j'ai pris de l'âge, je me suis assagi. Pas de pétage, côté passager. Tous ces robes, tous ces noir fragile. Ils s'imaginent que je suis un naufragé. Je m'appelle Nardine et juste au cas où. Je suis comme ton père, j'ai perdu patience. C'est nous là, viens pas nous rappeler avec ta science. Tout va trop vite, faut qu'on profite. Qu'on sort de la merde, je sais pas ce que t'en penses. Touche à mon pif, touche à mon fils. J't'allume ta mère, toute ta descendance. J'aurais pas dû autant donner. J'suis impulsif et spontané. J'me suis un peu laissé aller. Mais j'vais tout baiser cette année. J'ai voulu arrêter au moment où j'ai failli tout péter. Parce que je sais qu'ici, ouais, rien n'est gratuit. J'hésitais. J'me suis dit, nique sa mère, envoyait la suite. Trop naïf, mais je regrette rien. Ça c'est maïf, c'est pour les miens. Ceux qui m'assistent, retenez ça bien. Je suis négatif. On frappe à la paix parce qu'on a plus de raison. On arrive chez toi, bang bang bang. Plus de son, plus d'image, plus de réseau. Faut que le succès d'estime. Ni on n'a pas ce qu'il mérite. Comme ça livre à Despo, Socrate, Zessolino, Koro et Kerry. Bah ouais ma chérie, les quartiers de France nous respectent parce qu'on les respecte. Plein de méthodes, tout ce monnaie. Tant que ça parle en espèce. Rien ne m'éteint. Ici tout se monnaie. J'ai mis le nez dehors, j'ai trouvé que des problèmes. Si c'était les pauvres, la haine tient ses promesses. J'vois presque plus le soleil. Ouais, poteau, j'trouve plus le sommet. T'es comme ton daron, t'as perdu patience. Ils ont trahi ta confiance. Tu peux en vouloir qu'à toi-même. T'es naïf, t'es naïf. Enfant du ghetto, pourvu que Dieu nous protège. Rien ne m'étonne, si tout c'est mon nom. J'ai mis le nez dehors, j'ai trouvé que des problèmes. Triste époque, la haine tient ses promesses. J'en presque plus le soleil, ouais, poteau, j'trouve plus le sommeil. T'es comme ton marron, t'as perdu patience. Ils ont trahi ta confiance, tu peux en vouloir que toi-même. T'es naïf. Naïf, enfant du ghetto, pourvu que Dieu nous protège. Le clip est arrivé cette semaine, Naïf. C'est Niro dans la nocturne, 100% rap français. Enfant du ghetto, pourvu que Dieu nous protège. La nocturne. Avec dans un instant, et pour conclure cette nocturne, deux sons subliminaux. Histoire de ne pas oublier d'aller voter dimanche. Je vous passe ça juste après GLK. La nocturne.

c'est dimanche. Que ça sert à rien. Petit classique dans la nocturne pour conclure. Ça marche aussi avec Marion, avec Robert, avec Florian, avec Gilbert. Pareil, c'est le même message pour eux. C'est la fin de la nocturne, 100% rap français. Passez une bonne nuit. Merci d'avoir veillé tard pour cette nocturne. Merci pour tous vos messages qui sont arrivés. On peut continuer avec le hashtag Skyrock la nocturne. Ça arrive direct dans le studio. Fabuleux est au contrôle. On se retrouve dimanche soir 20-21 pour un planète rap exceptionnel. La crime en interview exclusive. C'est dimanche 20-21, Repro 2 le 11 décembre dans les bacs. À dimanche alors. N'oubliez pas d'aller voter. Du rap et du R&B non-stop. Skyrock. Rap et R&B non-stop.